m'appelle Charles Beauchesne, je fais de l'humour depuis à peu près 6 ans. Bon, vous m'avez peut-être vu à la télé dans des espèces d'affaires random, genre à Canal D, puis en route vers mon premier gala, puis le reste des affaires qui sont destinées aux humoristes underground que vous verrez ou ne verrez pas dans le futur. Et j'écoute, j'écoute 70%. Ah ouais, et j'écoute pour... 70%, merci, j'ai pas le choix de l'écouter. C'est pas pour parler de toi et trop, là. C'est... 70% et 100% en train de se passer en ce moment. Ouh, j'ai pas le choix. Je pense que je vais le garder, ce bout-là. Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Bonsoir, en manchette ce soir, j'ai pas assez de linge noir et vous aurez des chroniqueurs que j'ai pas notés parce que j'y ai pas pensé. Ainsi que notre invité, Vincent Pique, en direct du Brouhaha à Montréal, vous êtes à 70%. Se brûler au bronzage, c'est considéré hot. Tu vas tout pour plaire à ceux que tu connais pas. Pas du temps pour l'important dans ton agenda. Quand tu prends deux secondes pour ouvrir les yeux, tu vois que dans la vie, c'est plein de trucs douteux. Je le vois dans tes yeux, que tu trouves ça douteux. Je le vois dans tes yeux, que tu trouves ça douteux. T'as couragé de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Pourquoi dans les films classés 13 ans, les hélicos explosent tout le temps? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer les couleurs des ceintures de karaté? Pourquoi y a des enfants, des annonces de char? Pour plusieurs, des barbeaux, c'est des œuvres d'art. Faut pas rester en cabané. Ton écran va finir par te rendre. On est en train de le vivre. Merci beaucoup tout le monde d'être avec nous pour ce nouveau 70%. Je pense qu'on va commencer avec ça, parler de l'éléphant dans la pièce et tasser ça. On est tout le monde ici, je pense, contre les êtres humains qui tuent d'autres êtres humains. On va attendre de savoir un petit peu plus d'informations et laisser la poussière retomber. En attendant, le Québec vient de mettre son pied sur la map dans un sport qui est de plus en plus international. Et on est désolé de ce qui est arrivé, hein? C'est ça. Puis je parle pas du fait que la Switch a été testée à Toronto et je ne parle pas non plus du Royal Rumble comme on parlait, mais bien entendu de ce qui est arrivé à Québec et fuck you Éric Duhem. Bon, donc là-dessus, on peut parler d'autre chose. Ben oui, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, peut-être qu'on peut ouvrir le show avec ça. Une bonne main d'applaudissement pour Vincent Pique, s'il vous plaît. Ben oui, il est venu nous voir. Bonsoir tout le monde, content d'être là pour la première fois. C'est capoté, moi. Je sais pas dans quoi je m'embarque, moi, t'avoue, bien franchement. Ah, ben... Soyez doux avec moi. D'habitude, le monde aime ça, puis ils reviennent, surtout qu'on paye la bière, tu sais, fait que... sinon, moi, j'aurais aimé ça, vivre ça il y a une vingtaine d'années, ça m'aurait aidé en sapristi. Toi, t'as-tu l'impression que tes années de gloire, ils sont derrière toi, genre? T'as essayé de pas regarder en arrière. Ah, bonne puis, attitude, j'ai assez de job pour regarder où ce que j'en suis rendu, puis regarder dans le futur. Fait que pour moi, c'est un long chemin qui continue et qui va continuer jusqu'à la fin. J'adore ça comme attitude. T'as-tu une version avec l'orchestre symphonique de prévu à un moment donné? Ce serait pas pire, ça? Je l'ai dans la tête souvent. T'es dérangeant dans, avec dans le temps que les, je fumais du gros weed, je l'avais tout le temps dans la tête, ça. Là. L'OSM était jamais loin. Je suis en train de virer sur le top avec ça. C'est une question de cash, mon ami. Mais Ken, je serais capable. Un jour, moi... Ken t'a fait Zappa, il pourrait faire Groovy. Ben oui, ce serait pas pire, ça, moi. Ken, Ken et Zappa, on travaillait ensemble en 73, man. Ah, ouais. Oui, certainement. Ça existe sur YouTube. C'est un YouTuber d'esprit, ce gars-là. Fait que il serait peut-être capable de faire un band semi-prog hardcore speed metal de Longueuil un jour. Who knows? Semi-prog hardcore speed metal de Longueuil. C'est comme ça que tu qualifies ton œuvre en général? Ouais. En anglais, il disait du motor-headed, bassar, rhythm guitar, bluesy, bass breaking, semi-psychedelic metal Yardbirds. Tabarnak, c'est du tongue twister, ça. Je m'en servais en tournant en Europe. C'était ça, la façon qu'on décrivait Groovy Hard Rock. C'est moi qui l'avais dit. C'est nous autres, c'est ça qu'on fait. Okay, bon, mais ça, ben, sur voilà. Un poster quelque part. Hey, en Europe, hein, t'as fait des shows où, genre? On a fait le tour pas mal. Avec Groovy, notre toute première tournée était en 96. On a fait 45 dates en 60 jours. Ah, oh, sacré. Le 40 de ces dates-là en Allemagne de l'Est. Ouais, hein? Dans un pays qui était... Bon, le mur était tombé depuis pas longtemps, mais c'était encore très, très communiste. Le temps était figé en 1963, je te disais. C'était vraiment incroyablement dépaysant. Personne ne parlait anglais. On nous enfermait dans les clubs la nuit parce qu'ils ne nous faisaient pas confiance. On était enchaînés dans les bars. On dormait avec des balles de baseball en cas d'attaque de skinhead. Des choses voyons comme ça. Donc, toi! Ouais, ah ouais, parce que vous étiez pesant, fait que ça attirait une foule de pesants. Ça attirait la foule qui était qui restait pas chez eux, qui a le goût de faire de quoi, n'importe quoi. Les autres, ils seraient protégés n'importe quoi. Mais on était vraiment souvent les premiers bands à l'extérieur de l'Allemagne à jouer dans ces villes-là. Puis, es-tu déjà arrivé à un moment donné qu'il a fallu que tu te serves de ton bat de baseball? Là? Heureusement, non. Ben oui. C'est arrivé à quelques reprises que ça a failli, ça a passé proche. C'est arrivé plus proche en Belgique avec les Flamands, parce qu'eux autres, ils n'aimaient pas les francophones. Puis, on s'est fait dire ça se peut qu'il y ait de la. Ça se peut que ça brasse. Fait que ce que tu fais dans ce temps-là, c'est que tu checkes le drum. On a défait le drum, puis on se prend chacun un pied de tom, puis si on se bat, à la gang. Okay. On était 7 contre le monde. C'est jamais. Heureusement, c'est jamais arrivé. Mais ça va être le fun, le show, les gars. <là. rire> ça, c'était après, heureusement. Mais oui, des fois, on était nerveux. Tu remercies parce que t'es l'agent. Pas... C'est comme, où c'est qu'on est à soir? Non. En fait, l'Allemagne de l'Est, parce qu'on avait 3 semaines de bouquet à l'avance, mais une fois là-bas, ils nous ont droppé carrément. Fait qu'on a rencontré 2 gars qui nous ont pris en charge. Ils ont trouvé des 21 gigs en ligne, tout dans le fin fond de l'Allemagne de l'Est, parce qu'eux venaient de là. Hey, c'est un petit ville qui s'appelle Greifswald. Alors, on a joué dans des villes qu'on ne pouvait pas nommer, à communiquer avec personne, parce qu'on était incapable de parler allemand, et eux, incapables de parler anglais. Il faut dire que ça fait déjà 21 ans de ça, fait que ça... T'sais, ça s'est unifié beaucoup depuis. Mais à l'époque, c'était encore très, très, très... À l'époque, ça te prenait une cabine téléphonique. Genre, t'avais pas un téléphone... Il n'y avait aucun téléphone celui-là. Il n'y avait pas d'Internet aussi. Alors, on avait reçu des offres de festivals en France qu'on a manqué parce qu'on n'a jamais eu le message. Alors qu'on est en train de d'écumer des villages communistes. Ce qui était en fait très, très cool. Ben oui, ça a changé notre vie. On est revenu pas mal plus mature. Puis on est revenu un meilleur band aussi. Ah ouais, en plus. Ouais, certainement, parce que quand tu joues à tous les soirs... aussi, là, si la foule peut te sauter dessus, puis il faut que tu te défendes. Non, mais c'est ça qu'on se dit. On peut pas se sauver. Là. Si ça part, ça part. Ouais. Puis bon, on n'est pas du monde agressif. Puis on est toujours plus petit que tout le monde. Donc on n'était pas si menaçant que ça. Fait que, il y avait peut-être plus petit que d'autres choses. Sinon, ben une question que j'aime beaucoup poser, puis là, en plus, c'est allé dans un vieux pays. As-tu vu des fantômes? Tu croyais-tu aux fantômes? Y a-tu des espèces de manifestations, des fois? On a visité des sous-sols nazis, des anciennes bases militaires nazies, des anciens laboratoires nazis. Ooh. Puis tu sens, il y a une vibe extrêmement pesante là-dedans. Sans voir des fantômes comme tels, mais tu te sens pas bien. Il y avait une ambiance. Il y avait une ambiance glauque en tabarnak. Où ils font les sirènes, puis où ils faisaient les labos qui ont tué des millions de personnes, man. Puis les gens qui ont des. Ce qui est arrivé, ce qui est cool en Allemagne de l'Est, c'est que maintenant, ils ont démonisé tout ça en ouvrant des bars, en ouvrant des clubs, des maisons de jeunes. Donc, ils font de quoi de positif avec ça, pour vrai. En haut de ça, parce que tout ça était souterrain, tu sais. Donc, tu peux, en tant que, mettons, jeune punk, avoir une super bâtisse comme un château pour une pièce ou un marque et faire de quoi avec. Ils vont donner des subventions pour créer une shop de revitalise un petit peu sur un cimetière holocauste. Carrément. Ah ouais, mais ces gens-là savent qu'est-ce qu'il y a en dessous. Puis si tu connectes avec ce monde-là, ils vont, à 3h du matin, là, ils vont t'amener là. Ouais. Puis là, tu dis, follow me, guys. Je vais vous faire triper ou je vais vous faire bad triper. Fait que là, tu pars 2-3 heures d'un roi, puis ils te montrent tout ça. Là. C'est pas écrit ces brochures là, de tourisme en allemand. Il faut que tu connaisses quelqu'un qui sait de quoi que c'est là. Fait que c'est capoté, raide. Puis au Québec, t'as-tu été faire le tour des régions un peu, sûrement? Ben, une après l'autre. C'est bon, ça. J'aime ça. J'aime ça aussi. Il faut rester local un petit peu. Écoute, en tant que Vincent Peake, tu joues à Magic, c'est sûr. J'écoute Magic de Olivia Newton-John, puis je me joue après. Ah! Donc, j'ai réfléchi à ta question, mais je sais pas c'est quoi Magic. Ouais, non, excuse-moi. T'es le premier qui répond ça, je suis extrêmement déçu. Sinon, côté magic. Dinosaure, as-tu un dinosaure préféré? Dino? Pierre à feu? Ouais. Ah, c'est une de mes imitations. Tu l'as dit Penses-tu qu'il va revenir? J'espère qu'il va revenir. Un crossover avec les Ninja Turtles. Ah, ça serait pas pire, ça. Le crossover des pirates avec les Ninja Turtles. Et puis sinon, t'es-tu un amateur de cinéma? Certainement. Connais-tu Neil Breen? Non, je le connais pas. OK, on écoute son dernier long-métrage ce soir. Le gars, tu sais, un gars qui produit, réalise, monte, fait les tunes, se met... comme héros et écrit les textes, c'est sûr qu'on s'en va dans la bonne direction. Et voilà, ce soir, on écoute son quatrième film. Et pour nous, c'est un petit peu comme un nouveau dieu. Comme, mettons, Justin Trudeau pour du monde dans le reste du Canada, genre. Non, pour du monde de Papineau, on va le dire. Le gars, ouais, c'est nous autres, ça. Le gars, il y a vraiment une moyenne autour de -8,5. C'est quelque chose que on va te faire découvrir avec le temps. Tu vas être très satisfait. Sinon, ben merci beaucoup d'être avec nous, Vincent. Grand plaisir d'être là. Et si je peux juste me permettre, félicitations pour votre 500e. Merci beaucoup, c'est très apprécié. On peut l'applaudir, come on, là. Ben oui, merci, c'est très gros. Je peux juste comparer ça, mettons, à un band qui rendait son 500e concert. C'est énorme, tu sais. La plupart des bands ne se rendront jamais là. C'est faut vrai. Le faire en crise 500 shows. Quand t'es mis un après l'autre, là, tu fais tabarnak, c'est du chemin. Hein, c'est du chemin. Oui, ça a changé pas mal même, aussi. Puis, j'aurais aimé ça être là pour le 500e, mais malheureusement, je ne pouvais pas. Fait que 501e. On t'a gardé pour commencer la prochaine batch de 500. C'est bonne affaire. Sinon, ben voilà, t'es avec nous pour le show. Il y a des chroniqueurs qui vont passer. N'hésite pas à commenter. T'as un micro. Notre invité. Et puis sinon, j'ai entendu dire, surtout qu'on vient de plugger sa guitare, qu'il va nous faire des tunes après le show. Fait que restez pas loin. Ouais. Finissez votre souper, on va avoir un crisse de bon dessert. Fait que là-dessus, mon cher Alexandre Damour, je pense qu'on peut commencer avec le premier chroniqueur. Allô? Salut Bruno! En manchette ce soir? As-tu t'es habillé comme en deuil? Ouais. Je savais pas quoi faire à soir, j'ai rien préparé. J'ai pris des notes tantôt dans le métro. Il y avait du monde. Pis là, mais t'as vraiment eu une grosse journée avec le numéro 500 la semaine passée? Ou ouais, j'ai eu une grosse semaine, puis j'ai eu une grosse journée hier, puis aujourd'hui, puis je suis sous depuis hier à 9h à peu près. Bon, fait que, on dit salut à qui? À ta mère Ginette, tiens. Ouais, faut dire salut à maman. Allô maman. Fait que ouais, c'est ça. Là, il s'est passé des affaires là, puis j'avais comme pas envie de parler de ça, mais j'avais pas envie de parler pas de ça en même temps. Là, tu parles pas du Royal Rumble. Non, je parle pas de Randy Orton au Royal Rumble. Je trouve ça con parce que je vous invite à dans une discussion là en fait là, parce que j'ai pas envie de faire des nouvelles où j'ai rien. Ouais, ben anyway, les nouvelles internationales se passent au Québec. Ouais, exactement. Puis tu sais, je trouve ça bizarre le monde qui dit on s'y attendait, puis je trouve ça bizarre le monde qui dit on s'y attendait pas, puis je trouve. On peut-tu avoir une discussion sur, je sais pas, ce qu'on fait à douteux.org, tu sais, c'est un peu d'essayer de ramener le sens critique, tu sais, puis je pense que ça a beaucoup rapport, c'est un résultat de pas utiliser son sens critique ou de mal l'utiliser, tu sais, puis de se légitimiser dans une petite connerie de marde. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, c'est à nous autres le premier, tu sais, c'est le fun aussi, hein. C'est le Québec qui a gagné la course de la première tuerie de l'ère Trump là. Ouais. C'est quand même c'est spécial hein. Moi je me rappelle on parle encore de la crise d'octobre puis du FLQ puis il y avait eu deux morts je pense dans ce temps-là, un otage, un politicien qui avait été pris en otage puis un autre qui s'était fait tabasser puis mettre en prison. Là, on avait deux morts, là, 40 ans, puis là, on est à 5 d'un coup, fait qu'on vient de plus que doubler pour des raisons de terrorisme, là. Dans le temps, il avait fait venir l'armée pour ça aussi, fait que je sais pas ce qui va arriver, là. J'espère qu'on... Au moins, on les a pognés, là. Je sais pas, hein, c'est weird, ça. D'habitude, ceux qui font ces affaires-là, le job, c'est de s'arranger pour pas se faire pogner après, pour devenir un vrai martyr, puis avoir le droit à... Je sais pas... On est capable d'en faire des caves au Québec. Aussi, oui. Misère. Si les frontières politiques empêchaient la connerie de passer, il serait pas mal plus hot. En tout cas, ça, c'est sûr. Comme je te disais tantôt, moi, je pense qu'il y a un ratio égal de Québécois racistes imbéciles qu'il y a un ratio de musulmans intégristes. Bon, intégristes de n'importe quoi. Il y a des cons partout. Là. Ouais. Il y en a peut-être même un dans votre famille. Il y en a peut-être même un dans la salle. On va pas essayer. Lève la main, le con. Ouais, c'est ça. Compte point. Je sais pas qu'on va faire une... une chasse aux sorcières là, puis qu'on va l'identifier, puis que ouais, ça va bien se faire. On va y faire une croix gammée dans le front avec un couteau là. Mais toi, t'es pas en train de te saouler depuis hier 9h pour ça là. Entre autres, hein. Ah ouais. Ah ouais, je sais pas comment réagir à tout ça, tu sais. Puis là, c'est ça, on sait pas comment réagir parce que c'est la première fois que ça arrive. Ben parce que de ce genre de, tu sais, je veux dire, les derniers meurtres qui ont été commis au nom de la religion au Québec, c'était contre Boston, des Amérindiens. Contre des Amérindiens. 1782. Contre Boston. si on parle de cette religion-là, effectivement. T'sais, pis là, il y avait. Mais moi, c'est ça, là. Il y a Pierre Bruno, man, à TVA, hein. Pierre Bruno, qui a dit. Hey, on peut l'applaudir, hein. Il a décidé de garder la ligne éditoriale en appelant ça du terrorisme à l'envers. Ouais. C'est comme des alternative facts. Il dit, je vais le paraphraser, là, mais il dit, tu sais, on aurait pu s'attendre à l'inverse. On s'attendait à ce que ce soit l'inverse. C'est quoi l'inverse? C'est que ce soit des musulmans qui tuent des Québécois. Des purs. OK. Mais ça a été des... Mais là, ça a été des purs qui ont tué des musulmans. Ben là, en plus, il paraît qu'il y en a un des deux qui était musulman. Là. Bon, je ne sais pas. C'est pas super important. Ouais, c'est vraiment pas super important. C'est ça, là, la connerie a créé des deuils, puis on est à vivre ça. Là. Mais tu sais, d'appeler ça du terrorisme à la... Tu sais, c'est le discours qui est perpétré, même après la tragédie. On n'est pas capable de sortir de cette espèce d'idée-là, on va même pas essayer de réfléchir plus loin que... Ouais, y en on a... pensait que c'était ça, puis là, c'est le contraire qui est arrivé. Fait qu'on va comme on va en parler là, qu'on pensait que c'était le contraire qui allait arriver en premier. Ouais. Hey, on est surpris, hein. On pensait que ce serait des musulmans qui tueraient des blancs en premier, tu sais, puis pas le contraire. Ouais. Hein? Hey, surprenant. Êtes-vous surpris, vous autres? Moi, je surprends tabarnak. Hein? Fouh! Hey, on est aux nouvelles le soir, là. C'est de ça qu'on parle. C'est le fun, hein? Câlisse. On a un Fox News au Québec. Ouais. Ouais, en tout cas. Ouais. Ce qui est fucké de mon bar, c'est qu'en fin de semaine, j'étais à Québec et un de mes bons amis travaille à Radio X. Oh. Oh boy! Et, salut! Lui, il est là pour modérer le propos. C'est ça sa job. Calvaire, il fait bien sa job. Il me parle de ça comme si c'était un show. Puis c'était un show qu'il donne. Ben oui. Un peu comme ce qui se passe ici. Mais sauf que les autres, ils ont des répercussions graves. Ouais. Puis j'ai parlé. Il m'a pas répondu tantôt. J'ai demandé, hey JC, comment tu te sens matin? C'est ça, vas-tu me. Sans l'attaquer, c'est comme toi en ce moment, là, ça va pas bien. Est-ce que tout le monde te vise, là? Tout le monde vise sa job. Là, c'est grave, il y a des répercussions. Mortel, c'est ça. Puis on parlait de ça il y a 48 heures. T'sais. Puis le bout, je le connais très bien. C'est un ami de Grimmskong, c'est un ami de Groovy. C'est un gars que je respecte énormément. Il a pogné une job de radio parce qu'il est bon à faire de la radio puis il a de la voix pour, mais il est rentré dans Radio X à 100 000 piastres par année. Fait qu'il a fait moi et trois enfants. Puis tout. Fait, oui, t'sais, il est absolument pas d'accord avec ce qui passe, mais il est modérateur. Mais là, il est dans la ligne de mire en tabarnique. Ben oui, c'est un ami très proche à moi qui est en ce moment en train de se faire viser. Fait que je sais pas comment il vit ça. Je sais même pas si ça peut peut-être même changer sa vision de sa job. Il y a peut-être même genre qui démissionnerait. Changer sa vie. Là, carrément. Là, c'est plus drôle. Là. C'est plus, il est rendu avec. Faut faire face à ses valeurs. Là, tu penses à tout ce qui s'est dit, tout ce que lui, auquel il a participé, les conversations qu'il a eues, modérées ou non. Là, il est rendu avec du sang sur ses mains un peu. En tout cas, c'est grave, c'est nous autres, c'est les proches, c'est la première fois qu'on vit ça. Puis je veux dire, si on prend exemple, comme au Rwanda, il y avait une radio là-bas qui a pas mal parti le génocide qu'il y a eu entre les Tutsis et les Hutus. C'est beaucoup à cause d'une radio qui chantait la liberté du peuple choisi. C'est un petit peu ce qu'ils font à Québec aussi, là, et tout le temps driller les mêmes trous aux mêmes places, tout le temps donner les mêmes coup de marteau sur les mêmes clous. Le peuple a choisi de Québec, là. Ouais. La terre promise de Saint-Roch. Puis en même temps, moi, je veux pas transformer tout le monde de Québec d'un coup en genre de droite cave. C'est pas ça le but de ce qu'on est en train de faire pendant tout. Puis c'est super plate pour tes amis qui habitent là-bas puis qui sont comme tabarnak encore. Je connais pas personne de Québec qui a pas dit qu'il était désolé. Mais tu sais, est-ce que dire des mensonges puis passer ça pour la vérité, ça devrait être protégé par la liberté d'expression? Je pense qu'on est rendu à se poser cette question-là. Avoir un comité d'éthique qui évalue, là. Ouais. Nous autres, à 70%, on n'est pas pire, parce que soit qu'on dit des crises de niaiserie qui sont arrivées pour vrai, ou soit qu'on dit des crises de niaiserie qui sont pas arrivées. Fait que, ça va être assez facile à gérer, je pense. Mais merci Bruno, ça fait le tour un petit peu de la question. Ben oui, on va en avoir parlé. On en parle de l'éléphant, on n'a comme pas le choix. Ben oui, c'est Chris, c'est arrivé hier, le monde est encore chaud. Ben pas comme toi. Là, non, comme, pas aussi chaud que moi, mais... Je vais en prendre une autre d'ailleurs si quelqu'un peut m'envoyer. Et amenez-en une aussi à notre ami Vincent Pic. Ouais. Là-dessus, merci. Mon cher technicien, je pense qu'on est prêt pour le prochain chroniqueur. Salut, Tim! Salut, les cocos! Tu trouvais que j'ai quelque chose à changer? Ben oui, t'es en train de vendre ton temps à la prochaine fête importante. Ce soir, je suis le lutin de l'amour à rabais. C'est trop un job, Cupidon m'a donné le job, puis c'est sa saison morte, fait que j'avais pas le choix. Ouais. Fait que ma job ces temps-ci, c'est d'aider les gens sur les réseaux sociaux qui sont célibataires à trouver l'amour. Puis c'est quand même une période où on a besoin de plus d'amour. Fait que je suis allé me promener sur les spots, les groupes spots sur Facebook. OK. Puis je vous ai rapporté les meilleurs que j'ai trouvés. Oh, OK. Oh. Pour aider l'amour. On va commencer avec un spot Terrebonne. On a quelqu'un qui dit « Bonjour, j'aimerais pouvoir entrer en communication avec un gentil jeune homme que j'ai croisé hier à Terrebonne à la conférence de Marc Gervais à la salle La Québécoise. Il avait un chandail bleu et est accompagné de sa mère, je crois. Merci. » J'ai fait des recherches. Et la conférence de Marc Gervais s'intitule « Faire la paix avec soi, un nouveau départ. Ah. » Tu sais, pour ceux qui n'ont pas réglé leur passé... Avec leur mère. Avec leur mère. Ouais. J'ai des spots célibataires 30 ans et plus. On a Karine, 35 ans, bientôt 36, de Coteau-du-Lac. Elle recherche amis. Et si ça clique, tant mieux pour du sérieux. Je recherche confiance, fidélité, un gars gentil avec des bonnes valeurs, qui aime les enfants, tanné des menteurs et profiteurs. Ah. Tu sais, ça, c'est le genre... on pourrait faire un parallèle avec les jeux vidéo, avec les gros boss qui ont un gros bouton qui flash rouge pour dire que c'est leur point de faiblesse. Moi, être un menteur et profiteur, je te targeterais-tu? Ouais, je pense que... T'as bien raison. Les yeux, le ventre, le ventre. Tout de même. On a un autre qui nous dit... Allô, je viens de Drummondville, je suis une maman hockey et cuisinière de 35 ans. Deux filles, 17 et 16 ans, deux gars, 12 et 11 ans. Je suis célibataire depuis trop longtemps, je suis indépendante financièrement, je ne cherche pas à me faire vivre. J'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de quelqu'un pour me cajoler. Je suis pas du genre à chercher, mais attendre le prince charmant, c'est long. Alors, à quel âge qu'elle a dit qu'elle avait? 35. OK, c'est bon. Ouais, fais le calcul. Alors, j'attends de ma chance pour peut-être trouver un crapaud qui pourrait devenir mon prince à moi. Quand tu mets la barre aussi basse, les chances sont bonnes pour toi. Les chances sont bonnes. Excellente même. Un 2017 qui commence avec un déficit de bisous. Femme 42 ans, secteur de Saint-Eustache, 3 enfants adorables, prête pour essayer de construire. Si tu te sens concerné et prêt et que tu as une vie, des rêves et de l'humour, go. Tu sais, quand ça prend 7-0, ben, cette O, en fait, pour écrire le mot adorable, c'est peut-être que ton argument n'est pas fort, puis que tu essaies de trop minimiser le fait que tu as 3 enfants. Ça marche pas. Tout est turn off, lutin, là. Ah, oui. Toi, tu donnes des conseils. Là. Je donne. T'en as pas 4 pages? Je dirais pas tout ça. Quand non, même. Merci. J'en garde des bons, là. Pour la prochaine fois. Ben, tu sais. On va y aller avec 2-3 autres. C'est bon, je t'écoute. Bon, ramène-nous à Terrebonne. On va aller encore les célibataires de 30 ans. Ils sont bons. Alexandre, Irish pilote, 31 ans de la chute, recherche amitié. Et qui sait? Hein? Venez me jaser les triples du 420. J'ai ma prescription cannabis médical. On s'en fume un bon et Merc Tweed. Toi, ton argument, hein, c'est « Je suis un grand malade, je l'ai et généreux. » Ça me va. Y es-tu libre encore? Ben, ouais. Pas ça, eu de grande réponse. Il y en a un de ces arguments qui marchera plus bientôt. C'est ça. Allô, maman monoparentale de 4 enfants monoparentales. Ouais. Ouais, attends, répète-moi ça. Allô, maman, monoparentale de 4 enfants, monoparentale. Elle a écrit monoparentale 2 fois. Ouais. Ben non, mais peut-être qu'elle a, peut-être que ses 4 enfants sont également monoparentales. Je vais continuer. Donc elle est grand-maman. Non, monoparentale. Bruno, Bruno, j'ai 30 ans. 4 petits enfants mono. J'ai 30 ans. Parentale. Laisse-moi rêver là. C'est ça. OK. Elle a pas fait une erreur. On va au prochain. Là, on a un qui est passif-agressif ici. Ici, à Montréal, se trouve un spécimen rare et sous-estimé de 29 ans que l'on surnomme habituellement « bon gars ». Souvent laissé de côté pour son opposé, le « bad boy ». Es-tu « entre guillemets » et « en caps lock » Oui. C'est bon. Le bon gars préfère s'obstiner à rechercher une femelle intelligente qui se tient loin des meutes. Contrairement au « bad boy », le bon gars se cherche une compagne pour la vie. Point d'exclamation 4 fois. Et si le gars, le bon gars, aime généralement les filles sérieuses et charmantes qui ont de la conversation. On retrouve généralement le bon gars autour d'un café ou au soleil ou même encore en train de faire des blagues à n'en plus finir. Lors des jours de pluie, le bon gars aime se réfugier dans la grotte avec sa compagnie afin de se réchauffer en regardant des images sur un carré. C'est la plaque qu'il y a au zoo pour le bon gars, là, c'est ça. J'ai un message à passer. Des si images sur un carré. Ouais, il y a ça de télé, là. On a compris la métaphore, là. quand t'es obligé de te utiliser un caractéristique passive-agressive comme ça, de dire que t'es une victime parce que t'es un bon gars, puis que tu t'en sers comme argument pour cruiser, le problème c'était pas que t'es un bon gars, c'est que t'as un problème d'attitude. Ouais. Hein? Je pense qu'il y a personne que ça turn on les victimes. Non, je ne pense sinon, pas. Non, c'est weird à Chris. Je vais terminer avec un dernier qui est un petit peu long, mais il vaut la peine. Ok. Ok, c'est sur Spot Lesbienne Montréal. Tu sais, quand tu penses que jamais tu vas pouvoir aimer à nouveau, que tu penses que tu vas fucker le cœur de quelqu'un, tu sais, quand tu te rends compte que tu sais ce que tu veux dans la vie, mais que l'autre paranoïe te dit qu'il est trop tard, que t'aurais donc dû réveiller avant. Tu sais, le genre de fille que tu vas chercher toute ta vie, qui peut te poser des cadres, tes plafonniers, qui te fait couler un bain, qui écoute l'épicerie avec toi, qui endure qu'il y a toujours ou souvent du monde chez toi, qui va passer la nuit à faire un buffet puis de la bouffe de Noël avec toi, qui va te serrer dans ses bras pendant que tu plies ton linge, que tu vas rentrer dans un beat de vie ta famille, qui va faire 1000 magasins avec toi parce qu'il y a des spéciaux, puis que tu les cours, puis qu'il est agressive en char, puis que tu connais les chars, l'informatique, qui corrige tes textes de français à l'université, qui est passionnée, amoureuse, intelligente, accueillante, qui aime cuisiner, envie de bâtir avec toi, qui soit se lever le matin, qui peut aller porter des petits à l'école, arrêter au team, te ramasser un café, tu sais, qui va te faire un petit lunch pour ton cours à l'université, qui va aller te porter, aller te chercher un, votre argent, votre ensemble, puis vous allez vous faire chier à faire un budget. Je pense qu'il y avait juste elle, puis que je l'ai perdu à force de chercher le gazon le plus vert. Y avait-tu de la ponctuation dans... Y avait un fuck all de ponctuation okay, dans cette affaire-là, OK? Là. Fait que là, c'est quoi? Elle dit qu'elle avait cette fille-là puis qu'elle l'a perdue à force de chercher plus vert. Tu sais, quand ton problème dans la vie, c'est que t'as un esclave puis qu'il est pas assez performant. Puis toi, tu sais de quoi tu parles. Ben oui. T'as des enfants. J'ai des enfants. C'est un lutin. Fait que je vais vous laisser là-dessus, hein? Puis je vous souhaite l'amour à tous. Hey, merci, lutin. Merci, ben gros. Ah, le lutin ambivalent. Ah, la Saint-Valentin. En parlant d'enfants que t'exploites, tantôt, je lisais le journal Métro, puis il y avait une pub de Concordia qui disait « Avez-vous un enfant entre 16 et 22 ans qui souffre de déficience mentale? Faites $175 pour une étude. Okay. » Concordia. 175 piastres. Merci. Hey, écoute, c'est le plus d'argent qu'il va faire rentrer dans la maison si t'en fais attarder. Moi, j'ai arrêté de lire le métro carrément. Ma vie, n'en est que ma... ça s'en porte que mieux. Ouais, non, c'est une bonne idée. Tantôt, il y avait un éditorialiste qui parlait de notre situation que j'ai parlé tout à l'heure, puis il a cité Dan Brown dedans à un moment donné. Fait que, ouais. Dan Brown, ça, c'est le gars qui... Le Da Vinci Code, là. Ouais, ouais, OK. Ah ouais. OK, comme ouais. Le disait Dan Brown. Le grand philosophe Dan Brown, là. En tout cas, on avance, mais lentement. Ouais. Hein? C'est bon. Puis toi, Vincent Pic, t'as-tu commencé à jouer de la guitare pour aider avec les filles? Ça a pas marché ben, m'a dit en affaire. Arrête donc, jouer. Non, je joue de la bass pour juste avoir des gars, là, entre autres, qui me parlent juste de notes. Tu sais, quand tu tripes sur Rush puis Primus, là... tranquille. Ben, tout à l'heure, quand il parlait de jouer des tunes qui déboulent dans les escaliers, j'ai vraiment pensé à des tunes de Primus. Ben ouais, et Kalamazoo, ça fait très super bon. Tout le temps. Ah, t'es un fan de Primus? Certainement. Touche-moi. Oui, yes, j'aime yes, ça, c'est bon ça. Ben, t'as-tu entendu le dernier album? Oui, avec avec Charlene. Oui, le Delirium, j'adore ça. Je trouve ça très bon. Je suis d'ailleurs un gros fan de Ghost of a Sabertooth Tiger de Charlene et sa blonde, la belle Charlotte. T'as entendu ça? Non. C'est débile mental. C'est aussi bon que les Beatles, même, je te dirais. Ah ouais? 2014, j'ai fait un album qui s'appelle Midnight Sun. Okay. Puis ça a été ma révélation de 2014. Fait que tu nous suggères du Sean Lennon. Ghost. G-O-A-S-T-T. Ghost of a Sabertooth Tiger. C'est le nom de son band. Merci. Ouais, tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Ici Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Allez, on est prêt pour le prochain. Alors, vous l'avez deviné, c'est une pub de Piscine Citadelle, un défunt magasin de piscine. Vous pouvez me suivre sur le hashtag BringBackPiscineCitadelle. Je sais pas s'il y a un spell de zombifié, mettons, là, tu sais, on perd le contrôle, puis là, tu fais revivre le chien, puis là, ça fait revivre la ville, puis ça fait revivre les magasins disparus aussi, là. Ah ouais. Il y aurait plein de clubs ça. Vidéo des zombies clubs piscine partout, qui là. Deviennent des citadelles, ben, ouais, genre, c'est ça. Des Provigo qui redeviennent des Steinberg. Ou des Dominion. Dominion, ouais, des Dominion. Le Juliette Huot revient from the grave. Les terrains vagues. Ça ramène les Dominion puis Juliette Huot. Les terrains vagues qui redeviennent des Allers. Oh! Des Woolworths, nous! Très bien! Fait que lui, c'est notre spécialiste de publicité, Vincent. Il y a vraiment des trips weird, là. Fait que, ouais. Vas-y, Jonathan, tu nous parles ouais, de quoi? Ouais, ben, ces temps-ci, la pub de Super C de Guy Jodoin avec les gens qui manifestent avec des pancartes zéro compromis. Moi, j'ai hâte de voir la suite où est-ce qu'ils se font encercler par l'anti-émeute parce qu'ils ont pas donné leur itinéraire. Puis, tu sais, je me suis dit, ça serait cool comme pub, on verrait Guy Jodoin se faire poivrer, puis il dirait « Hey, ça me fait penser que les épices à steak Clubhouse sont 4,99 cette semaine. » Est-ce que donner son itinéraire, c'est un compromis? Ouais, ben oui. Fait qu'il donne pas, man. Non, c'est zéro compromis, on le donnera pas notre itinéraire. En tout cas, s'il se fait poivrer, il va avoir plus de salé que de sucré, je pense. Oh, je me demandais, là, tu sais, la Divacop, là. Ouais. Il y a sûrement quelqu'un qui cherche un slogan pour vendre ça. Moi, j'en ai trouvé un, bon, en lisant la Bible. « Ceci est la coupe de mon sang. » Ouais, ouais. C'est pas pire. Le calice. Prenez-la et videz-la dans la toilette. C'est sûr que tu lisais pas la Bible. Non, mais j'ai... C'est de mémoire. J'aime ça. Tu brainstormais dans l'autobus à propos d'affaires par rapport... Non, il est allé trouver la citation dans la Bible. Ouais. Il l'a lu au complet pour la pour se rendre là. Ouais, c'est ça. Contrôle F. Le Vieux Testament, là, quand Dieu, il tue tout le monde, parce que c'est ça qui... faut faire, c'est bon ça. Il est gentil, Dieu. Il fait tout le temps ça, Dieu. Ouais, c'est vrai. Une couple de fois. Ouais, ouais. Si tu lis la Bible, on est quand même... On est consanguin quatre fois certains. Ouais. Quatre fois, ouais. C'est ça l'amour. Continue, mon frère. Continue, mon frère. Réévangélise-nous, là, qu'on parle d'autre chose que des divocops. Ouais, ouais. Ben, j'ai découvert une nouvelle vieille pub. Je trouve ça drôle quand je dis des nouvelles vieilles pubs, parce que c'est des vieilles pubs. que toi tu découvres sur un VHS. Que j'ai découvert, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai dit que c'est des nouvelles. Mais en tout cas, j'ai découvert une vieille pub de Burger King où est-ce que Marc-André Coallier il disait que les prix des hamburgers étaient tellement bas. Puis genre, il était assis sur une chaise, puis il arrêtait pas de baisser, puis de baisser pour montrer que les prix étaient bas. Puis à un moment donné, il disait que c'était tellement bas que là, Marc-André, il passait à travers le plancher, puis il se rendait en Chine. C'était tellement bas. Je me suis dit, c'est une excellente pub, à part que ça tient absolument pas compte de la croûte terrestre, du magma, de la gravité, puis des lois de la physique en général. Ouais, effectivement. On le voyait sur c'est vraiment pas réaliste, cette publicité-là. Ouais. Hein. Puis à un moment donné, tu baisses plus. Si tu commences à t'éloigner du noyau de la tête, t'es dans la terre, ben, t'es en train de remonter. T'es supposé comme te rapprocher du noyau, puis faire comme... Je sais en fait, pas. Tu peux pas descendre plus bas les prix que le noyau de la terre. Ouais, c'est ça. Ben, non, tu peux... Ouais, ouais. Non, tu penses qu'au Texas, ça se peut, ça. Je pense qu'ils payent pour aller au McDo au Texas. À moins qu'on considère que, je sais pas, être en Chine, c'est comme être dans le moins, c'est je plus... sais pas. Ouais, c'est ça. Mais... De toute façon, il est supposé avoir de la lave entre les deux, fait que ça... ça... Il y a comme quatre raisons pourquoi ce pub-là, elle se tient pas, tu sais. Yes. Ouais, mais c'est vraiment drôle parce que tu le vois les pieds dans les airs, puis il y a deux Chinois qui disent avec des sous-titres genre « Oh, je pense que les hamburgers chez Burger King sont à 49 cents. » Chris, 49 cents, hein, ça c'est 88 ce pub-là? 93. Hey, ben, quand même. 49 cents. Hey, c'est pas cher. Hey, non, c'est pas chez Burger King? Let's go next! Ouais. J'ai trouvé aussi, on va finir avec ça, j'ai trouvé une pub avec des girafes qui couraient dans la jungle, puis il était marqué « Que se passe-t-il dans la jungle des longs coups? » Puis finalement, c'était une pub de Budweiser qui disait que les goulots de bière étaient rendus plus longs. Tu sais, à un moment donné, les bouteilles de bière, c'est comme des petites bouteilles, genre, avec... Ouais, ils sont passés de comme shape de tonton à shape de bite, là, genre. Ouais, c'est ouais. Ça, ouais. Ils ont passé de, ouais, ils ont passé de boule à graine. Puis finalement... Ça, c'était pas une super de bonne pub, mais je trouvais que ça faisait changement des jingles louches pis des culs de filles, parce que là, on est en 88 dans ce pub-là. Pis je dirais que pas mal toutes les pubs, c'était des chansons très, très « Tu es le meilleur et tu es le... » Action! Ben, satisfaction! Ben, on aime l'action, on aime se dépasser. Molson, on aime le goût. Tu sais, les buveurs de bière, c'était vraiment l'élite de la société ben oui, en 86-88. Il allait checker les régates, puis il faisait des paris sportifs. Ça, ouais, puis il y avait des filles en maillot de bain sur le bord de la piscine c'est qui chantaient la Laurentine. Ben, ça donne rien. Puis là, on arrive avec une pub qui a des girafes qui courent. Ouais. Tu sais, il y a un lien, il est là, mais... Ben moi, je l'ai souvent dit, ça, que le nationalisme québécois s'incarnait suite à la défaite du premier référendum. Ne s'est incarné que dans les publicités de bière. Le nationaliste canadien aussi, d'ailleurs, parce ouais. Que Molson, Salut les vrais, c'était pas mal canadien, c'est ça. Mais je dirais qu'au Canada, la tendance est pas mal la même. Les chansons, puis les, ouais. Les personnes. Les annonces de chars aussi, ils aiment bien gros se promener dans les prairies, là, dans le char au Canada. Ben oui, c'est ça. Ah, ben oui. Ben, c'est exactement comme ça, parce que nous, le Groovy, on a commencé en 86, puis dans notre local, on avait une piscine de bière avec plein de filles en bikini. Ça nous a donné le courage nécessaire à continuer 30 ans plus tard. En 86, pour vrai, hein? Sacrifice. Il fait le salut militaire, tu sais. Yes! Vrais. Les vrais. Tu remercies les filles en bikini qui t'ont donné le goût. Et puis, t'as fini avec ça? Ben oui. Bon, ben, décalisse. Hey, merci, Jonathan Simon, mesdames, messieurs. Merci, Joe. As-tu déjà joué dans une pub, toi? As-tu déjà fait ça? J'ai refusé plusieurs pubs. Ah ouais? Ouais, hein? Ouais. Des principes, des questions de principe. Ça me puis parce qu'ils payaient pas assez cher aussi. OK. Ben, c'est un principe. À un moment donné, ça. L'Auto-Québec. Ouais, c'est ça. Principe. Non, l'Auto-Québec voulait avoir la chance, notre version de Tetris. Parce qu'on sortit le jeu de Tetris en 96, oui. Peut-être. Puis là, moi, j'avais dit à ma gérance à l'époque, c'est 50 000 ou rien. Il offrait 7 000 Oh boy! 7000 piastres, là, les autres gars, ils étaient en crise après moi, puis les autres, le 7000, on l'aurait pris à l'époque pour vrai. Okay. Parce qu'on était dans le trou pas mal. Mais, tu sais, 7000 piastres, tu dépenses ça dedans. Ah, oui, ça. C'est rien, là. C'est tu, rien, puis. Tu flottes même pas tes comptes, là. Tu travailles pour un certain idéal dans la vie, puis tu récoltes et tu sèmes quelque chose qui rassemble les gens à une certaine valeur. Tu sais, le punk rock, tout ça, ce que ça représente. Fait que j'avais 7000 piastres, c'est rien comparé à ce qu'on aurait pu perdre. Ouais, ouais, ouais. Ben, je comprends. Là, il y avait, une ambiance groovy de bien rébellion. Sûr. Puis c'est vrai, c'est ça. C'est ça, beaucoup moins maintenant. À Star, ça se vend. Bon, puis l'autre, mais il y a eu une époque où il y avait des choses sacrées encore. Ouais. Oh, et un nom puis une réputation d'un band ou de ta propre réputation, elle est sacrée. Et ouais. Je me suis jamais vendu là pour ça. À date. So far, so good. C'est bon, ça. Show me the money, ici. Dis donc aux techniciens qu'on passe au prochain. Parle-le à l'impératif. Lex! Yo! À le prochain! Tout de suite! S'il te plaît! Go! Hey! Salut tout le monde! Salut Mathieu! Alors, Mathieu. Allô, allô. Moi, quand je suis gelé, j'imagine les policiers en bisounours. Ça peut porter à confusion. Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis, tantôt, j'étais dans le métro, j'ai vu une annonce d'école de musique. Porte ouverte, porte ouverte. Je me suis dit, on est à Montréal, là, ils vont avoir des plaintes. En tout cas, c'est ça. Cette semaine, j'ai amené mon fils au musée. Et ça, c'était une première erreur. Je voulais montrer des vraies affaires. Puis, fait que pour y faire plaisir, en plus, je l'ai laissé choisir. Ce qui a été une deuxième erreur. En fait, c'est une semaine d'erreur. Je sais pas. Moi, si je voulais aller au musée, tu sais, ben, je voudrais voir des sarcophages, 3-4 Picasso, puis m'acheter un t-shirt, tu sais, comme tout le monde. Mais ça a l'air que quand t'as 8 ans, la complexité d'une exposition à la fois historique et thématique, ben ça peut te donner le goût d'aller voir de la merde. Fait qu'on est allé au musée d'art contemporain. Non, mais tant qu'à voir de la merde, on va aller en voir de l'international. Puis... Il y en a hein, qui connaissent ça, les arts. Ils sont dans les musées, en plus. Puis... Fait que je suis en avant d'un tableau, puis il y a un gars, il me dit « C'est un lézard. » Alors moi, je suis là comme « Non, là, c'est une tache verte, c'ti. » Et là, mon fils, avenant, il voyait que je pompais, et il me dit « Papa, papa, le lézard, c'est une métaphore. C'est exprimé dans un style naïf qui rappelle l'enfance. » C'est écrit sur le carton. J'étais un tabarnak de colis dans ta chambre! Mais tu sais, t'es au musée. Fait que, non, mais c'est sûr, tu veux taper dedans, tu sais, mais en même temps, tu te dis, c'est mon seul fils, j'ai investi énormément de temps et d'argent, je vais pas me le scraper parce qu'il sait pas, t'sais. Non, mais c'est vrai. C'est pas de sa faute, il est jeune, il est naïf. Il s'en est pas encore rendu compte que quand t'es flou, tu dessines pas tout croche parce que t'es naïf, là, tu dessines tout croche parce que t'es mauvais. C'est une réalité. D'ailleurs, si tu te pratiques, tu vas voir, tu dessines de mieux en mieux. C'est capoté. Et là, c'est à ce moment-là que, sans crier garde, j'ai arraché le tableau du mur, je plongeais en arrière du statut, puis je me l'ai collissé à travers la tête. Et je me suis mis à chanter. Qu'est-ce que t'as chanté, Mathieu? Il y a des claques qui se perdent, hein, fédéral ou provincial. Il faut de la casser. Tu viens-tu te faire la casser? Ouais, je viens de me faire la casser, mesdames et messieurs. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me sens comme une jeune fillette 3 heures après la fin du bal étudiant. Bon. La statue sur la tête. Fait que là, je me calisse le tableau à travers la tête et je me mets à chanter Kruskuna la sigdou. Kruskuna la sigda. Kruskunu la sigdou. Kruskunu la sigdou. Et là, à ce moment-là, hein, le buvard venait d'embarquer. Faut qu'on se le dise. Et après ça, là, tout s'enchaîne, hein, dans une course folle. Les bisounours arrivent. Ils me garochent de l'amour en bonbonne et je me ramasse, hein, au quartier général de la joie et des caresses. Une journée, père-fils, réussie. tu sais, ben, quand t'es dans une sortie père-fils, tu veux pas trouver ça dole. Hey, combien de familles s'immolent après avoir été à la ronde, hein? Combien de parents... combien de parents sortent du cinéma démoli après avoir vu un singe jouer au hockey? Combien, Tommy? Trop! Ça suffit. Ben, bon, c'est certain que faire du LSD là, au musée avec mon fils, c'était peut-être exagéré. Hein? D'ailleurs, le juge, il me l'a dit. Il m'a dit, « Monsieur Boudreau, vous auriez pu apporter un livre? Un baladeur MP3? » Non. Il était relax. Ben, c'est le même que d'habitude, il commence à te connaître. Ben, c'est ça. Boudreau. Il m'a dit, « Monsieur Boudreau, votre comportement mérite sérieusement une remise en question. Votre dossier plus qu'impressionnant prouve hors de tout doute que vous êtes un danger planétaire. Néanmoins, vu l'enveloppe que vous avez glissée sous la porte de mon bureau, je me vois dans l'obligation de vous déclarer criminellement non responsable. Je le sais, certaines personnes pourront être offusquées d'un tel manque de rigueur. Même moi, je me demande comment je fais pour dormir la nuit. Affaire suivante. » Il est bien smart. C'est comme ça. Il est fin. Mon père, il disait l'or pour l'or. Hein. Il disait l'or, t'as pas besoin d'être utile, tu sais, ou vertueux. Hein. C'est juste comme fait pour être beau. Pis, ou pour être là, en fait. Et c'est ça que mon fils, il voulait m'expliquer, en fait, tu sais, avec le partépingle. Et tu sais comment est-ce que... Tu le sais comment est-ce que c'est, hein? Je t'ai déjà vu sur le parté, ouais. Ouais, voilà. Mais tu sais comment est-ce que c'est quand on pense qu'il n'y a rien d'autre que notre point de vue qui vaut la peine. On fait des hosties niaiseries. Fait qu'on est revenu à pied, lui pis moi. Hein? Le taux d'alcool dans mon sang étant trop élevé pour nous voler un char. Puis il me disait, merci papa, merci à cause de toi, j'ai compris qu'il faut savoir se contrôler dans les endroits publics. Sinon, ça coûte un pot de vin. Comme dans la construction puis la politique. Et là, c'est là que tu te dis, l'enfant que j'élève est un génie. Ouais. Voilà. Sinon, j'aimerais terminer avec une petite anecdote. Merci. J'aimerais ça terminer avec une petite anecdote. Moi, quand j'avais 18 ans, j'étais allé voir Primus au Sepsum. Puis je le sais que t'étais là, Vince. Je le sais que t'étais là. Parce que j'étais sur le moche. Puis moi, Primus, c'est mon band préféré. Je capotais, j'allais voir mon idole. Puis moi, j'avais deux idoles, puis c'était comme un peu toi, mon deuxième idole. Pis j'étais fucking sur le moche. Pis j'ai ouvert la porte du Sepsum, pis je suis rentré dans le Sepsum, mais je suis jamais rentré. J'étais rentré dedans. Pis là, j'étais là. Pis la seule réaction que j'ai eue, pour vrai, c'est j'étais regardé, pis j'ai fait comme. Je suis parti. C'était toi, ça? C'était moi, ça. C'est malade. Je t'assure, c'était ton fils. Ben voilà. Non, il était dans la cage, dans le genre. Mais. Histoire vraie. Ouais, c'est une histoire vraie, c'est ça. Pis, ça me revient. Ouais, j'avais trippé en esti à Primus aussi, c'était cool. Ouais. Ben moi, ouais, il est tellement, bon. Il est tellement, t'es tellement son idole qu'il t'appelle Vince. C'est ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ben, on... Non, mais quand on est. Non, mais quand t'as rentré dans quelqu'un, un show de Primus. Il y a ça, tu sais, quand t'étais sur le moche aussi. Puis, quand t'as écouté la musique de quelqu'un, tu sais, il y en a qui pensent qu'ils connaissent les gens, tu sais, ce qui est vraiment pas vrai, en fait. Tu sais, on connaît pas les gens, mais c'est touchant, la musique, tu sais. Puis moi, ça m'a aidé dans mon adolescence et dans ma vie en général d'écouter de la musique. Puis merci d'avoir fait la tienne parce que, astique, c'est bon ce que tu fais. Merci, Boudreau. Oh, c'est donc bien cute. Puis cette journée-là, c'était pas touchant, c'était frappant. Ouais, c'est ça. Ciao! Salut. Salut, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Ben oui. Et j'ai eu la chance de rencontrer Geddy Lee de Rush au mois de juin passé. Puis j'ai dit exactement la même affaire. Sans y avoir rentré dedans, j'ai quand même eu la chance de te dire à mon idole merci pour ta musique. Aye, ça, je pense que Boudreau aurait préféré que tu dises que c'était lui, ton idole. Lui, tu sais, quelqu'un, il se le fait dire tout le temps, mais il prend bien pareil. Mais ça fait du bien de le dire à cette personne-là. Ben oui, certain. C'est comme qui j'ai eu la chance de dire. Ben oui. C'est quoi la chance que je vais rencontrer ce gars-là une fois dans ma vie? Puis là, ça a donné. Je connaissais son neveu. J'allais backstage. On a jasé 3 heures, là. en plus. Mais au début, je fais, faut que je le dise. C'est un peu plus longtemps que Mathieu quand il t'a rencontré. Mais tu sais, ça, il y a des rencontres de même que tu fais, puis que la personne est tellement cool, puis elle est exactement comme tu aurais voulu qu'elle soit. Puis c'est, ça va, ça coupe tout à travers l'idolâtrie mondiale, ça revient à la personne. Là. Vous vous retrouvez au travers de l'instrument aussi. Oui, puis lui, il me conte des histoires quand il a rencontré Led Zeppelin, puis il a rencontré The Who, puis il raconte ça avec des yeux d'ado. C'est encore un kid de 64 ans. C'est ça qui est génial, tu sais. C'est la roue qui tourne. C'est la même affaire. Lui, il te raconte ça. Moi, je raconte que j'ai rencontré Rush, puis quelqu'un, il raconte qu'il a rencontré moi. Tu sais, c'est pareil, ça. C'est hâte, j'adore ça, man. Je suis à un gars de rencontrer Geddy Lee. C'est quand même pas pire. T'as décrit, là. Hey, d'ailleurs, parlant de rencontres importantes, j'informe tout le monde, le 11 février qui s'en vient au Musée de l'Absurde à partir de 10h le matin, c'est un samedi. Tabarnak, pour vrai, c'est ça que tu plugues, là? Oui, oui. On écoute tous les petits pieds, le dinosaure, les 14, un après l'autre. C'est malade, ça. Ça va être capoté. Tu viendras faire un tour avec ta base. Je pourrais jamais faire ça. Jamais. J'ai un show 10, puis je serais pas arrivé, mais c'est pas parce que le manque de l'envie est pas là. Non. Mais je connais un gars qui vend du bon moche si, au besoin. Ah, ben oui, tu diras de passer, ça. Parce sera que pas je vois pas comment tu vas faire passer à travers autrement. Ah, oh, check bien, mon gars, j'ai fait pire. Hey, là-dessus, je pense qu'on est prêt pour le prochain. Qui c'est qui vient de la Ferté-sous-Jouarre? Simon Cussonnet! Qui veut la teub à tous les Québécois? Simon Cussonnet! Simon Cussonnet! Simon Cussonnet! Simon Cussonnet! Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Allah Akbarding était le sport que tu voulais nommer. Oui. Voilà, je rappelle, il y a 2 ans, il y avait Charlie Hebdo et je revenais de vacances en France. Oui. Bien mérité après tout le travail que je fournis au Québec. Et oui, reboucher les trous, tout ça. Et donc, j'avais signalé l'existence du sport, le Allah Akbarding, qui consistait, sport extrême très méconnu, qui consistait à rentrer dans une place, tuer des gens et de crier Allah Akbar, évidemment. Le score pour la session Québec, qui a eu lieu hier, est de 6 morts. Petite performance. Voilà, donc ça me fait chier parce que j'avais une chronique sur les films français, les remakes de films québécois faits par des Français. Puis moi, ils m'ont chié, ma chronique. Ces connards, il faut que j'en parle. C'est plus fort que moi. Donc, c'est pour ça que à chaque année, j'ai une insulte. En 2014, c'était sac à merde. 2015, c'était sale pauvre. 2016, j'étais bourré, je l'ai pas fait. Et 2017 ne sera pas une insulte. Car j'ai passé la trentaine et il faut que j'aille de l'avant. T'es rendu mature. Voilà. Et l'année 2017, ce sera un hashtag. Hashtag, on n'a pas fini de rigoler. Voilà, c'est mon nouveau hashtag. Je le foutrai partout où ça conviendra sur les réseaux sociaux. Parce qu'on n'a pas fini de rigoler, parce que c'était le week-end musulman. Hein, c'était les interdictions de frontières et le fusillage. Donc, hashtag, on n'a pas fini de rigoler. Il s'est barré, l'invité, je voulais parler avec lui, mais bon, il en va. Oh, il va revenir. Il a fait le coup tout à l'heure, j'ai vu. Quand c'est les chroniqueurs qui n'intéressent pas, ils se cassent. On a parlé un peu, je pense que j'avais. Ah bah le voilà, merci. Voilà, donc j'étais pas là à la 500ème, enfin j'étais dans le public, j'aurais voulu faire une chronique, mais bon. Tu le méritais pas. Eh bah écoute, je sais bien, mais comme à l'instar de Monsieur Pic, je vais faire partie de la première batch des 500. Excuse-moi, tu veux te recommencer depuis le début, je t'ai pas là. Oh non, tu te démerdes, on enregistre, tu sais. Moi je t'entends la bille, l'acoustique était super bonne, les toilettes. D'ailleurs, j'ai réparé les toilettes, tu vois. En fait, Et voilà, donc, Monsieur Pic, salut, on est collègues. Je fais de la bass aussi, dans des bands. J'ai été en tournée en Allemagne aussi. J'ai pas eu la chance d'aller en Allemagne de l'Est. Par contre, j'ai eu la chance d'aller dans un strip club à Hambourg où les danseuses avaient la pneumonie et crachaient pendant qu'elles faisaient elles étaient comme ça sur le pole dance, puis elles faisaient... Et on a failli se faire taper. J'ai un pote qui a... Enfin, toute une histoire. Et puis le mec qui nous a emmené là, il s'est fait taper par un travelot. Enfin, bref. Tout ça prend du temps dans ma chronique. Et je sais que le rédacteur en chef de la rédaction de 70% dit dans le groupe secret sur Facebook, « Ah, il y a 5 minutes, alors je vais essayer de faire vite. » Qu'est-ce qu'il y a de pire Qu'est-ce qu'il y a d'aussi chiant que certains Québécois islamophobes? C'est beaucoup de Français arrogants et c'est pour ça que je m'en vais sur ma chronique initiale, c'est-à-dire les remakes de films québécois. Ah, t'as réussi à le plugger finalement. T'as vu ça? Yeah. T'as vu? Bref, si je vous dis la bataille géante de boules de neige, ça vous parle? Oh. Toi tu sais, tu fermes ta gueule. Ben non, c'est pas la... Il l'a dit. Fait... Oui, voilà, c'est ça. Le monde qui le savent, vous avez pas le droit de le dire. Voilà. Mais non, c'est surtout les gens de Dota à qui je dis de fermer leur gueule, parce qu'ils savent tout sur tout, presque tout, en tout cas. Oui, il a une main d'applaudissement pour ce type avec un bonnet pour qu'il cache probablement des cheveux. Oui, oui, madame, bataille géante de boules de neige, c'est la guerre des tucs 3D. Parce qu'une ouais, en 3D. Dessin animé. Voilà, monsieur. Ouais. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça très très amusant lors de mon voyage à Paris. Si tu me permets. Non, jamais de la vie, je finis, j'ai 5 minutes. C'est vrai, ok, vas-y. Mais non, mais je rigole. Non, mais il y a quand même un certain degré de chauvinisme de devoir redoubler dans la même langue un film qui est fait. Attends, c'est pas fini. Okay. Non, mais moi je dirais qu'il était temps pour un remake là. Non, mais je parle non, que les Français c'est pas, ils ont c'est pas besoin un remake, de c'est redoubler. L'adaptation de La Guerre des Trucs 3D, ils ont changé le nom en français. Ah, ok. Voilà, okay. Ils ont, c'est pas un remake. Non, les remakes, ça sent bien. C'est un redoublage. J'ai ma petite liste. Ouais, okay. Tu vois. Et donc, la bataille de boules de neige géante, c'est La Guerre des Tucs. Et ils ont changé les voix, évidemment, parce qu'on comprend rien de votre langage. Ça a été doublé par Kids United, un. Quatre enfants qui chantent des reprises pour faire marcher la socan française. Genre plein de trucs comme ça, donc merci. Il y en a d'autres. Hein. Si je vous dis Un village presque parfait, vous pensez à quel film québécois, par exemple là, comme ça. Est-ce là. Que je peux répondre, là? Non, monsieur. On attend la grande séduction. Oui, la grande séduction qui est lui-même pompée sur un film américain qui s'appelle Doc Hollywood. Ouais, donc voilà, c'est gagné. Si je vous dis Fonzi, vous me dites... Fonzie. Non. Je dis Starbucks, remake français de Starbucks, merci ma poule. Ah, ouais. Oui, parce que sorti en 2013, Starbucks. Ouais, parce qu'il a beaucoup de sperme. Il y a juste un... Donc, Starbucks au pluriel, donc tout simplement parce que sorti en 2011 en France, j'avais vu les affiches, j'avais trouvé ça vraiment cool, j'ai été le voir, j'ai pleuré. C'est vachement émouvant. Oui, bah oui, je suis sensible et je t'emmerde. Donc voilà, et l'idée c'est que en 2013, ils ont fait le remake comme ils l'ont fait aux États-Unis, donc ça s'appelle Fonzie, mettant en scène José Garcia, l'acteur qui ressemble le plus en France à Robert Downey Jr. Et c'est fou. Tapez José Garcia, vous verrez de quoi je parle. Voilà, et puis pour finir la chronique, parce que j'ai une riposte. Le remake français des Trois Petits Cochons, c'est quoi le nom? Ben non. Ben là, c'est une histoire française. Les Trois Petits Porcs. Non. Les Trois Pervers. Non. Vincent, une idée peut-être? Je sais pas. T'as été partout dans le monde, dans les Nom-Nom de Rêve. Non, alors ça, c'est le nom de la version adaptée en slovaque. Donc, c'est bien essayé. Mais tout simplement, vous cherchez vraiment trop loin, c'est Le Grand Méchant Loup. Voilà. Les Bougons ont aussi été adaptés en France par M6. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très amusant, il y a eu une plainte de 60 personnes en France, de l'association des gens qui s'appellent Bougons et qui ne voulaient pas être assimilés à DBS. Et des gens qui profitaient du système. La plainte n'a pas été... Ils n'ont pas été au bout de la plainte et l'alcool n'a pas joué un rôle dans cette affaire. Mais moi, ce que je vous propose, c'est quand même... Oh, grand peuple québécois qui est beau et tout ça, malgré les trous dans les routes, c'est de riposter et de faire des remakes des films français par le Québec. Pourquoi pas faire transformer les visiteurs en les visiteurs. Mais vu que vous avez pas de moyens, vu juste que vous avez... la visite, ce serait cool. J'aurais aimé t'avoir pendant que je faisais ma chronique. On va brainstormer. Donc la visite, mais vu que vous avez pas eu de Moyen Âge, mais peut-être qu'on en est en plein dedans le Moyen Âge. C'est ce qu'on est dans le Moyen Âge du Québec en ce moment. Ouais, on a reculé pas mal hier. Ouais, chez nous, Charles Martel qui butait des Arabes, c'était il y a longtemps là. C'était pas mal quoi. Ouais, tout déteint tranquillement à quelque part. Hein. Ouais. Sinon, vous pourriez faire le remake de La Grande Vadrouille. Alors, j'ai dit ça à ma blonde, elle a rigolé pendant 2 heures au téléphone. J'ai raccroché, j'ai rappelé, elle m'a dit: connard, tu m'as raccroché le nez. La grande vadrouille. La grosse map. Ouais, voilà, alors, exactement. Le gros clean-up. La grande vadrouille, fil français avec Louis de Funès et Bourville. Et bah oui, quand elle m'a dit, hey, pourquoi tu me dis la grande map, toi, tabarnak? Et je dis, ouais, calme-toi, la grosse. Ça, c'est ton imitation. Pardon. Désolé chérie, promis, je le ferai plus. Donc voilà, donc j'avais mis le grand trip, mais la grande mop, c'est quand même pas mal. Oh, ouais, c'est mieux. Le dîner de cave, pourquoi pas. Hein. C'est bon. Dîner de cave, ça roule. Le souper de cave. Le souper, ouais, le souper de cave. Ouais, y aurait qui dans le souper de cave? Oh, il y aurait Rémi Girard, Marc Labrèche. Ouais, parce que partout. C'est marrant que t'en parles, parce que depuis que je suis au Québec, Rémi Girard, je le vois partout. Mais pas parce que je prends des substances hallucinogènes. C'est dans au cinéma, genre. Un coup, il apparaît, puis hey, salut, je fais un second rôle, oh, je suis Rémi Girard. Hop, envoyez mon cachet. Michel Côté, Louis-José Hood. Ouais. Ah, c'est pas payé, ça. Moi, j'ai eu un crise de choc quand j'ai vu Rémi Girard serrer la main à le Lou. Voyons. Le cool, là, L. Cool Jackson, là, Samuel L. Cool Samuel Jackson. Samuel L. Cool Jackson. Ça, ah, tu veux dire Lawrence Fishburne. Ouais, ça? Genre. Ouais, c'est ouais. Ok. Et pour finir, ben, je me disais qu'on pourrait peut-être faire un remake au Québec d'Intouchable avec Couillard et Barrette, ce serait quand même pas mal. Ouais. Ça marche bien. Oui, un peu de démagogie, je t'en mets. Et bah, en terminant avec les graves événements qui sont arrivés hier et puis qui arrivent à peu près tout le temps, donc je reprends mon hashtag. Hein. On n'a pas fini de rigoler. Ouais. On n'a pas fini de rigoler. Je citerai le groupe Rouge Pompier, un groupe québécois en pleine croissance qui fait beaucoup de pognon et qui m'a employé. Je le sais. Je reprendrai la phrase vivre aussi longtemps que Vincent Pic. Voilà le grand classique. Vivez heureux, faites attention et puis de toute façon. Buvez des coups, faites l'amour, soyez cool, parce que au final, maintenant, c'est tout ce qui nous reste. Merci, bonne soirée. Merci, Simon Cussonnet, mesdames, messieurs. Moi, je pensais le salaire de la peur, la paye du bisou. C'est pas pire, ça. Ouais. Hey, Vincent, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Moi, j'ai vraiment une habitude machiavélique. Souvent, quand il y a des chanteurs qui m'ont mis des tunes dans la tête qui viennent ici, j'essaie de me venger. Et mon arme, c'est il y a trop de beaux gars. Tu sais, je le répète une couple de fois, puis à un moment donné, tu l'as dans la tête, c'est sûr et certain. Puis je me suis retenu à soir, parce que tu me déranges, je l'ai eu en tabarnak dans la tête, dans ma vie, là. Plusieurs heures de Tu me déranges que j'ai chanté, mais je me suis retenu à soir, puis... Ben ouais, là, j'ai tout de beau gars dans la tête, là, c'est moi, plus que tu penses. C'est ça, il y a bien du monde qui était sur le week qui me disait, moi, ce que j'ai dans la tête, le temps, je fume des branches. Je fume des branches. Puis Bruno m'a parlé d'une autre tantôt que je connais moins, là. Chante-la, celle-là. Là. Ah, les règlements sont faits pour, es-tu... Ceux qui veulent pas réussir, qui s'en vont. L'important, c'est ça qui compte dans la vie. Ceux qui sont pas d'accord, ben qui s'en vont. J'aime vraiment beaucoup. Le meilleur choriste ever. Téléthargique. Bon, ben, on passe au prochain. On doit arriver au bout. Là. Bonne réponse. Le quiz de ceux qui savent tout. Avec votre animateur, Danny Crevier. Hey, salut, all right, bienvenue. Sans plus tarder, mon premier invité, Denis Mascouche. Je présente un plombier de Verdun. Denis, je te regarde, t'es venu avec beaucoup de monde. Je suis venu avec mon épouse Jocelyne, ma belle-sœur Louise, son demi-fils Étienne Gendron et sa demi-sœur. Es-tu prêt à parier, Denis, de l'argent pour des questions et des réponses? Oui. Choisis une catégorie parmi les catégories. Il y en a beaucoup. C'est normal, faut en choisir juste une. On a besoin d'une catégorie pour jouer, Denis. Catégorie animaux. Catégorie animaux. Ce superbe manteau en fourrure, type camisole signée Mouton Noir, à reliure éclair, est conçu pour vous tenir au chaud. Mais à quelle température? Denis, pas trop nerveux? Non. On est confiant? Oui. On connaît ça, les animaux? Ma question, ce manteau provient-il d'une animal ou d'une plastique de synthèse? Il s'agit d'un manteau en plastique. Malheureusement, Denis, il s'agissait là d'une attrape de bonnes réponses. Il s'agit en fait d'un manteau fait de loutres de synthèse de plastique. Oh, vous reconnaissez la musique, Denis? Oui, tout à fait. Ronde éclair, question rapide, réponse rapide. Denis, ça nous prend une catégorie. Il y a au moins 1000 catégories devant moi. C'est normal, Denis, il faut choisir une catégorie. Mais laquelle? Catégorie. Catégorie. Denis, ma question. La question et la réponse à bonne réponse après la pause. Merci. Est-ce que c'est fini? Merci beaucoup, merci Damien. Est-ce merci. Qu'on est la pause? Ah ouais, c'est donc bien le fun, on voit Glad plus souvent. Salut Glad, m'a donné des tickets de la bière tantôt. Hey, sacrifice, c'est t'as bien monté quand même, le montage était serré, ça allait vite. Ça a coupé sec, mais on en veut plus. Ils ont donné. Oui, c'est vrai. Coït interrompu. On en prendrait une demi-heure de ça. Hey, next, chronique. Je pense qu'on est rendu au bout, hein? Et voilà, il me fait signe qu'on arrive à la fin du show. Ce qui veut dire que... Ah, oh, Mustapha yeah. is in the house! Salut, Mustapha! Ouais, let's go, viens-t'en! Monseigneur, tiens. Prends le micro, parle. Salam alaikum! T'es sûr que tu le mérites? Désolé. Je vais être plate. Désolé. Hier, j'avais un humour semi-préparé. Je voulais vous parler de mon voyage en Italie. Il y avait des affaires à propos d'Assassin's Creed là-dedans, il y avait du niaisage, ça aurait été drôle, puis hier c'est arrivé. Fait que je suis désolé, je vais péter le party, je suis pas mal certain que Mathieu a mentionné de quoi, il a tendance à faire oh, ça. Oh non, c'est pas Mathieu qui en a parlé de plus, non? C'est Bruno. Ah c'est Bruno? Ouais. Ok, ouais. Allô? Allô? On est content de te surprendre encore. Ah j'aime ça, c'est, au moins ça garde la relation assez fraîche. Ouais. Puis il y a l'autre qui nous a parlé du Allah Akbarding, c'est un sport à la mode. Et ça? Ouais. Vas-y, on t'écoute, non, de quoi tu parles? Ben, ok, je reviens de la vigile pour parler de ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui me vient constamment à l'esprit depuis bientôt les dernières 24 heures. Puis c'est un sentiment de... Vous ne l'aviez pas vu venir? Comme, par applaudissement, qui était sous le choc? Ben, ouais, je sais, c'est une demande bizarre. C'est pas une bonne question. C'est pas la bonne question. Okay. C'est pas, alors, je pense. Bon, on était qui était choc, mais... qui était surpris? Ah, il y en a qui étaient surpris, c'est cool. L'affaire, c'est que des affaires comme ça arrive pas dans le vide. Ça atterrit pas de nulle part. Généralement parlant, il y a comme plusieurs éléments qui viennent autour. Ça commence autant par les affaires de base qu'on connaît, les jokes racistes, le monde de même. Puis aussi les choses qu'on tolère malgré nous. Donc, Éric Duhem. Par exemple. Ben, Éric Duhem, ça, il est très public, il est très visible. Mais là, je parle même de nos amis, nos collègues de travail, oncles, tantes, pères, n'importe quoi. Tout le monde qu'on regarde proche, puis qu'ils vont dire de quoi, puis on se dit « Ouais, je sais, il est de même, mais... » C'est plate, mais il faut pas leur donner trop d'excuses. Je sais, c'est peut-être en réaction en ce moment. Je suis encore un peu sous le choc de ce qui s'est... encore un peu dégoûté de ce qui s'est passé hier. Je suis aussi dégoûté du fait qu'il y a du monde qui essaie de justifier ça. Tu sais, en disant comme quoi... La première réaction, ça a été tout de suite, là. Ben, il a crié « Allah Akbar, ça doit être un musulman. » Au lieu de se dire « Ouais, c'est peut-être un dude raciste qui voulait utiliser ça pour moquer parce que c'est ce qui a été présenté comme étant correct. » Ben, à rigueur, je pense que c'est pas super important. Ben, c'est... Peut-être pas, mais jusqu'à un certain point, parce que c'est des petits détails parfois. On a tous une part d'ombre. Ce qui est sûr, c'est que c'est un cave. Ouais, mais en même temps, il faut pas sur-simplifier la chose. Je me on dis est que... au courant de rien. Ouais, on je me est dis au que... courant de ce que les médias nous disent. Il y a ça, mais je me dis, faut pas sur-simplifier. Il faut qu'on se pose tout le temps la question, est-ce que je serais capable de faire ça et pourquoi? Je me suis souvent posé une question similaire. Est-ce que je serais capable d'atteindre un stade ou est-ce que j'arriverais à ça? Puis je sais pourquoi je ne l'arriverais pas. Puis c'est essentiellement parce que je réalise qu'on est tous humains. On est tous pas mal ensemble. Malgré les différences, malgré les façons différentes de voir la chose ou de vivre ou de penser, on est capable de se respecter, j'ose croire. Mais que quelqu'un arrive à ça, c'est parce qu'il y a eu assez de choses qui lui ont dit oui. Et que ça peut commencer autant par tes amis que par le gouvernement. Puis il faut être toujours en mesure de se poser ces questions-là. C'est une des affaires que j'apprécie ici, il faut dire. La première règle, quand on vient ici, c'est on se pose des questions. C'est constamment ça. Que ce soit par rapport à la projection ou au spectacle. En passant, salut, j'ai vraiment aimé quelques-unes de tes tunes. Quelques-unes. On va parler justement de ça. j'ai pas écouté toute la discographie, c'est une couple, là. Fait que... Ben, y a un torrent, on peut downloader. Ouais, sûrement. J'ai un best-of, là. Ouais, je te torrenterai ça. Je suis un artiste, OK? Il y a plein d'éléments culturels qui jouent un après l'autre. On y participe et on y contribue chacun. Quand on voit quelqu'un dire ou penser quelque chose qui, on voit encourage vers quelque chose de difficile, faut pas se dire « il est de même ». J'ai pas envie de nommer de nom. Il y en a une couple que, si vous me parlez, vous allez savoir c'est qui me pose problème ici. Je les nomme pas en ce moment parce que ça me tente pas. Mais non, c'est pas important non plus. Alors, à la base, il y a un élément de... C'est pas important, mais ça me tente pas. Je veux on n'est pas à l'étape de pointer des doigts. Ouais. Je veux que les gens prennent le temps de prendre leur propre réflexion. Je veux que vous preniez vous-même vos décisions sur comment réagir. Tout ce que je peux dire, c'est que... on veut pas que quelque chose comme ça continue de se passer. J'ai peur que ça continue de se passer parce que, généralement parlant, un engendre le prochain. C'est souvent de même. Ben même, il y avait des groupes Facebook avec des caves dénuées de nuances. Exact. Fait encore une fois, je suis désolé, j'ai pété le party. Ça me tentait, ben non, ouais, ça me tentait tellement, ça me tentait tellement de vous parler de mon trois semaines en Italie. D'Italie. Oh man, ça, prochaine ça, fois. Prochaine fois, on va faire ça, c'est clair. À moins qu'il y ait une autre tuerie, là, mais ça... Ouais. Comme... On va espérer que non. Comme la carrière de Michael Fassbender en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Mais. Hein? En tout cas, on s'en dit pas des affaires. Je te fais-tu un câlin et on finit le show? On peut faire des câlins. Let's go. Quelqu'un d'autre? Merci tout le monde. Puis à tout le monde dans la salle, tout le monde qui écoute, tout le monde qui a compris, je vais vous dire ceci, puis c'est très important que vous le maîtrisiez constamment. C'est Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Merci Moustapha, merci bien gros. Ah, ça nous amène à la fin de 70%, mesdames, messieurs. Donnez-nous un petit 35-40 secondes pour changer ça de bord. Ce qu'on va faire, c'est plugger notre musicien préféré qui est dans la place présentement. Vincent Pic, on va lui laisser le contrôle. Ouais, c'est quand même quelque chose. Merci à tous les chroniqueurs. Merci les techniciens, Mathieu, Alex. Vous étiez là avant tout le monde. C'est capoté. Merci à tout le monde qui était là, les chroniqueurs, les autres. Et puis, c'était 70%, le 501e épisode. Dans un show de lui, après ça, on va écouter VJ Bruno Corbin. Ils connaissent ce qu'ils ont. Merci bien gros. Pourquoi pas les deux? Courageux de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Un chihuahua, c'est un gouvernement. Confond la poche, un robot du futur, du bar de peanuts. Se brûler au bronzage, c'est considéré hot. Tu vas tout pour plaire à ceux que tu connais pas. Pas de temps pour l'important dans ton agenda. Quand tu prends deux secondes pour ouvrir les yeux, tu vois que dans la vie, c'est plein de trucs douteux. Je veux voir dans tes yeux. Quand tu trouves ça douteux. T'as couragé de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Pourquoi dans les films classe et 13 ans, les silicos explosent tout le temps? Y'a dit quelqu'un qui peut m'expliquer les couleurs des ceintures de karaté? Pourquoi y'a des enfants des annonces de char? Pour plusieurs, des barbeaux, c'est des œuvres de d'art. Faut pas rester en cabané. Ton écran va finir par te rendre cerné. Bonsoir la République. La dernière fois que j'ai fait un show acoustique remonte à jamais. Je suis pas un gratteux de guitare dans la vie, je suis un barjeu de bass. Puis ma mère m'a acheté une guitare parce qu'elle pensait que j'aimerais ça. Puis c'est vrai que j'aime ça, mais j'en joue presque jamais. Puis c'est la première fois que je fais un show de guide devant le public. Yeah! C'est, on peut dire. Fait que j'étais en banlieue de confort. Et puis, ben voilà, je me suis demandé qu'est-ce que... Tu sais, moi je suis dans un band qui s'appelle Groovy Aardvark. Si vous le savez pas, c'est un band de rock alternatif qui dure depuis plusieurs décennies. Puis faire du groovy acoustique, c'est comme faire du Iron Maiden acoustique. C'est super tough. Parce que c'est toutes des lignes de guitare super rapides. Puis moi j'écris à la bass, fait Il y en a une que j'ai trouvé que je pouvais faire, parce que je l'avais écrit à la guitare sèche à une époque. On parle de 95. C'est une toune qui parle d'un bum de Bel-Oeil d'où je viens. Un genre de bum qui harcèle les kids dans des parcs, qui harcèle des, moi dans, au parc Banting, moi puis mes chums. Bruno Benzera. Un sauvage, là, tu sais, qui vient, il vient écœurer la jeunesse. Et Bruno s'est fait recruter par les Hells à un moment donné. Puis son problème, c'est qu'il parlait trop. Fait que ses boss, ils ont amené une bombe à aller porter chez quelqu'un, mais la bombe était programmée pour qu'elle saute dans son Jeep. Fait que Benzera, les derniers nouvelles jeux de ce gars-là dans le Journal de Montréal, c'était qu'il avait sauté sur le boulevard Tachereau à Greenfield Park. Puis il est mort de même. Fait que j'en ai fait une toune. Puis la toune s'appelle Détonne. À même le banc d'école, on savait que t'étais pas normal. À te brûler les parois nasales, faut analyser. Faudrait voir vert à noir, conditions familiales. Parti avant longtemps, tout seul avec trop de temps mort. Prêt à n'importe quoi, t'étais game en autant que ça choquait quelqu'un quelque part. En v'là une belle occasion de cette terre. Tu parles trop quand t'es fier. T'apprendras qu'il y a des exploits qui se comptent pas de main. Compte pas de main. Rencontre le mauvais monde. Te sens prête pour les affaires. Les poches pleines de la tête en l'air. Tu t'en rends déjà compte. C'est payant, pis t'as jamais été aussi populaire. Et pour un amour dans le milieu d'un jeu de grandes oreilles. Graisse sur le dos, tu rajoutes à l'odeur de poudre à canon dans l'air. En v'là une belle occasion de cette terre. Tu parles trop quand t'es fier. T'apprendras qu'il y a des exploits qui se comptent pas de main. Comptent pas de main. Y'a des secrets de famille qu'il faudrait pas qu'on gaspille sur des fantômes que tu reverras pas. Solo! Tu parles de la poésie, ne laisse pas le pauvre récipiendaire, il l'aurait mérité. C'est pas des morts pour dire qu'on a une guerre, tu t'es jamais douté. Toi le résolu, chacun a connu, t'auront expédié en l'air. En v'là une belle occasion de se taire. Tu parles trop quand t'es fier. T'apprendras qu'il y a des exploits qui t'apprendras qu'il y a des exploits qui se comptent pas de main. Ça fait bizarre, hein? C'est pas mal cool. Maman, s'il vous plaît. Mom! Ah. Fait que c'était la toune de Groovy que j'ai enlevé du chemin pour y aller avec des tounes qui m'ont fait triper dans le passé et qui m'ont beaucoup influencé. Celle-là, elle a une signification particulière. C'est une chanson de Charlebois et Forestier, de l'album Charlebois et Forestier, qui ont sorti en 68. Parce qu'à l'époque, là, je te parle en 91, 12, je faisais de la musique hardcore en anglais, parce que nos seules références qu'on avait étaient américaines et anglaises. Il n'y avait pas beaucoup d'alternatives québécois. En fait, il n'y en avait aucun qui existait sur lequel on pouvait s'appuyer. Fait que j'ai une amie qui m'a dit « Tu devrais chanter, j'entends français, mais le monde, ça connecterait plus avec le Québec. » Fait que elle m'a amené cet album-là, Charlebois Forestier, puis j'ai découvert que le joual se peut en rock. Puis ça peut être très cool. Parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, chanter en français, c'était comme considéré quétaine. C'était le même. Puis on a comme un peu ouvert la porte pour du joual qui rock, tu sais. Fait que cette chanson-là a été une des influences qui m'a amené à écrire des tunes comme « Y a-tu quelqu'un? » Bloc Albici, puis tout. Puis c'est une chanson, j'ai aucune idée à ce jour de quoi elle parle, parce qu'il était sur quelque chose d'assez flyé à l'époque, cette gang-là. Parce que CPR Blues, cet album-là a amené Lost It Show, avec Mouf, Yvon Deschamps, et évidemment Charlebois et Forestier. Fait que celle-là, elle vient de cet album-là, ça s'appelle CPR Blues. Je vais faire les deux voix parce qu'ils se répondent, mais c'est pas mal tough. Fait que j'en choisis une puis passe au passage. Tu veux savoir, je veux savoir. Tu vas me le dire. Tu veux savoir pourquoi les trains t'envoient la main dans ton miroir et je te le dis qui. Dans un cul, des jeunes giscales mangeant du riz et un de plus et ta fifi. Quand tous les trains de ton voisin vont lui voler, c'est moi faire la telle vie dans un grand cul. Mais je m'en fous, je m'en arc-boue. Les crêpes soleil, yeah, yeah, jamais de pareil. Yeah, yeah. La terre caca, et on est resté planté à la gardienne. Pour oh, oh, oh! Hey! Hey! Wow! Oh, oh! Hey! Hey! Wow! Oh, oh! Hey! Hey! Wow! Oh, oh! Hey! Hey! Tu veux savoir? Pourquoi la mort sans garantie? Et je l'ai décrit dans un cri. Des cochons dingues, paranoïaques. Quand tous les trains de ton voisin vont lui voler, c'est Waffeng, la terre du dans un grand cri. Mais je m'en fous, je m'en arc-boue, les crêpes soleil. Jamais de pareil, yeah, yeah. La terre caca, wow! Et on est resté planté à la garder posée. Entre les deux, tu l'as dit blanc, dans son train blanc, avec son chien blanc, qui s'en allait, vivait sans l'aide. Bla bla bla bla, bravo la bla, toujours la bla, bla bla bla bla, et qui tenait entre ses dents la laisse blanche de son chien blanc, et qui chantait de sa voix blanche. Blanche, blanche, blanche. Je me souviens d'une balle perdue. Merci. Je vais en faire une dernière, je peux-tu? Juste une dernière, je crois que ça me tente tant que ça, mais... S'il te plaît! On a des battes de baseball si jamais la foule perd le contrôle. Tout va bien. Ben, je vais en faire une dernière parce que je pense qu'il y a, du cinéma, évidemment. Ben, il y en a une que j'ai déjà pratiquée et j'ai décidé de la faire parce que c'est, je pense que c'est ma tune rock'n'roll préférée. C'est un band américain qui s'appelle The White Stripes. Le duo que je trouve extraordinaire. Monsieur White, il l'honnête, il, tout ce qu'il fait, ça marche au bout, ça sort de ses tripes, puis c'est comme naturel, puis j'espère avoir autant de naturel que lui à la jouer celle-là. C'est une première, encore une fois. Tant mieux que c'est... Je suis content que personne... Ben, mademoiselle a le droit de fumer, mais je suis content que, de voir que je suis arrivé chez nous. Je me sentirais pas mal que ça soit... All right, le man! What's up? Fait que ça s'appelle « Parle à la voix ta gueule ». You are right, said it must be fine. Cause my house is beating. Come and kiss me by the riverside. Bobby says it's fine, he not considered a cheating now. Redhead with a curl, and falling over four and flying with cheating. Can't keep away from the girl. And these two sides of my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do, yeah. My left brain knows that the love is fleeting. She's just looking for something new. Said it once before, but it bears repeating now. Repeating now, fell in love with a girl, fell in love once and the most completely. She's in love with the world. Sometimes these feelings can be so misleading. She tells me, so you are right, and it must be fine. Cause my heart's beating. Come and give me from the riverside. Bobby says it's funny, not consider it cheating now. Before, but it bears repeating now. Yeah! Merci, merci la gang d'avoir été ce soir, c'est fucking cool. Hey, Vincent Pig, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, comment? Merci, c'est pas les années de carrière et de succès qui te rendent moins généreux, et ça, c'est quand même un modèle à suivre pour tout ce qui est musicien en devenir. Bravo Vincent, c'était vraiment génial de te recevoir à 70% et avec notre gang de douteux. Là-dessus, les soirées se passent en trois étapes. On vient de finir le 70% qui débute. On va donc sombrer, c'est le bon mot, dans une séance de VJisme qui n'implique que Bruno. Bruno qui va transférer à la console. Fais salut Bruno, allô? Allô? Ben oui. Bruno, il a préparé sa setlist avant les événements d'hier, donc il n'était pas sous quand il l'a fait. Ce qui veut dire qu'on devrait plonger dans quelque chose de particulier. Et dans une heure et demie, je viens vous parler du film rapidement qu'on écoute, le dernier Neil Breen. En attendant, une petite main d'applaudissement pour Bruno pour l'encourager. Yes! Merci! Merci d'être avec nous. Hello, my name is Andy Waddy. I'm listening to 70% at UCAM. I'm enjoying myself. There are a lot of nice people around. cette semaine sur les ondes de Radio H2O. Réalité augmentée. Il y a encore une fois cette semaine, on a fait des pieds et des mains pour être en mesure d'avoir un autre invité de qualité. On a avec nous le directeur régional de Microsoft pour le Québec, Mario Cocoduzzi. Bon, on a annoncé le DRM. Donc ça, c'est une des choses qu'on avait annoncé au E3. On a annoncé que ton système aussi devrait toujours être connecté à Internet. Premièrement, ces deux choses-là, ils ne sont plus partie présente de la Xbox One. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de DRM et tu vas être capable de jouer à tes jeux offline. Tu n'es pas obligé d'être connecté sur Internet tout le temps. Réalité augmentée. Disponible tous les week-ends de 20h à 22h. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Quelle heure peut-il être, hein? Au septième coin, il sera exactement... Je vais voir le pouce bientôt qui va confirmer qu'on enregistre et que tout va bien. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Larocque et Mathieu Potvin, encore une fois, les deux magiciens sans qui tout de ceci ne serait pas possible. Bonsoir tout le monde, mon nom est Tommy Godette, je vais être votre hôte pour cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. Oui, très fier de hoster une 501e de 70% aussi, ceux qui étaient là la semaine passée, ils étaient pas mal plus nombreux que cette semaine, on a comme cassé la foule. Ça a été une sacrée belle soirée, puis on a une autre très belle ce soir avec une nouveauté, j'ai très hâte de découvrir le film. On va terminer avec Neil Breen. Ceux qui connaissent Neil Breen, vous êtes chanceux. Ceux qui le connaissent pas, vous allez le découvrir de flamboyante façon. Son tout dernier long métrage, non, pas Fateful Findings, on est rendu à Pass Through. C'est l'histoire d'une intelligence artificielle supérieure qui vient du futur et qui vient essayer de faire comprendre à l'humanité que Christ qu'on n'est pas correct puis qu'on devrait être plus comme elle. Ça devrait être un film qui va nous faire réfléchir puis qui va nous amener à nous questionner sur ce qu'on fait avec cette belle planète-là. Je l'ai checké tantôt un petit bout. Il y avait un drone avec un grand angle. Ça va être magique. Oui. Neil Breen for the win. Juste avant, on va avoir un set de VJ de Bruno Corbin. Moi, j'aime beaucoup ça quand c'est Bruno parce qu'il est là depuis une dizaine d'années. Fait qu'il en a vu passer sous les ponts. Il faisait le VJ avant même que ce soit cool d'être VJ. Fait que c'est dire... Et juste avant, on commence la soirée avec un 70% avec notre invité Vincent Peak. Le gars, il est dans à peu près tout ce qui se fait de cool au Québec, fait qu'on va pouvoir l'avoir. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient pour amener des choses à signer, comme des poitrines et des vieux disques. Il me fait signe que c'est correct, donc tout va bien pour l'instant. Et pour commencer cette soirée haute en couleurs, s'il vous plaît, utilisez tous les appendices que vous avez pour applaudir l'excellent Jérémy Alain qui vient nous voir avant d'aller faire quelque chose de plus haute ailleurs. Merci, Jérémy! Oui, merci, Tommy, merci, ouais! Moi aussi, je veux signer des tatons, si vous voulez. Cool, vous êtes... on n'est pas tout seul, il y a d'autres personnes. Vous allez bien, tout le monde? Oui! Les autres? OK, tout le monde a écouté, c'est le fun, ça, man. Ouais, ça, je m'en viens vous parler. Moi, j'ai un oncle, ma tante puis mon petit cousin sont sourds et muets de naissance. Puis je me demandais s'ils entendent leur voix. Je me suis demandé quand ils pensent, est-ce qu'ils entendent leur voix, tu sais? Puis si oui, est-ce qu'ils ont le droit de choisir c'est laquelle? Imagine-toi, t'es pogné avec la voix de Batman, là. Tu sais, la voix fucking grave et désagréable, là, que... Chris, imagine-toi être à fucking à l'épicerie, la caissière est pas là, puis elle est comme « Where is she? Where is she? » Ça devrait être fucking chiant, pareil. Imagine-toi t'es pogné avec la voix de Eddie Murphy en français traduit. Ça devrait être tellement... Mais bordel de merde, tu t'en es dans ton de ce putain de magasin de merde! Moi, ça me faisait bien rire. Ça me faisait bien rire, ça. Aussi, mon cousin, qui est sourd et muet, il est aussi homosexuel et il est très efféminé puis il l'assume totalement. Puis tu sais, déjà qu'un gay qui est efféminé va être très gestuel dans sa façon de parler, Mais dites-vous là, que mon cousin, lui, le langage des signes, c'est la seule façon qu'il peut exprimer toute son homosexualité, merde. Puis le gars, là, pour vrai, lui, là, il parle pas sur le bout des, il parle pas sur le bout de la langue, il parle sur le bout des doigts, OK? Là? Quand tu le vois aller, là, tu fais comme tabarnak, c'est Queen Latifah, ça, qu'on dit, ça. Il s'appelle plus Mathieu, il s'appelle Laquisha, puis il travaille dans un magasin de coiffure dans Harlem, là, tu sais. Lui, là, il est constamment en défilé de mode, OK? La fois qu'il marche, là, il me fait serrer. Puis moi, je me suis tout le temps demandé, comment il fait pour cruiser? Parce que, tu sais, on s'entend que lui, ses options sont assez restreintes, tu sais. Mais lui, il faut qu'il trouve un homme qui est homosexuel puis qui comprend le langage des signes. C'est comme un inception de catégorie. Moi, je suis sûr d'un fois là, qu'il perd patience puis il s'en va dans le parc puis il est comme... Puis, à un moment donné, il tombe sur Joël, là, genre. Je sais pas. C'est le tête. Puis, il y a aussi... ma tante qui est sourde et muette. Il y en a bien qui savent pas que les sourds, ils peuvent danser même s'ils n'entendent pas la musique, tu sais. À cause des vibrations des speakers dans le plancher, les autres sont capables de le ressentir. Fait que ça fait que moi, ma tante, là, peu importe la vibration, là, elle est tout le temps sur le party, OK? Là, la moindre vibration, elle a peur, là, man. Là. Quand que... Ma tante, c'est la seule personne qui est festive quand il y a un tremblement de terre, OK? Là. Elle, non, mais c'est vraiment... Elle, là, sa tune préférée, c'est le 5 de Richter, OK? Elle, là, elle trippe au bout. L'autre fois, tout est en train de décollisser à terre, man. Puis t'avais avec ma tante qui était comme... Wouhouhou! Rihanna, malade! Les autres, t'es caché en dessous de la table, t'es comme... Viens-t'en, ma tante! Viens-t'en! Collier, ça vient d'enlever son chandail. Elle est partie. Puis l'autre fois, man, c'est drôle parce que le... Le dernier party de Noël qu'on a eu, man, mon oncle était tellement saoul qu'il est tombé des marches, man, puis ma tante pensait que c'était la compagnie créole, le style qu'il jouait. Puis ça m'a fait penser à un concept peut-être pour la télévision. Ça serait comme La Voix, mais au lieu de ça, les juges seraient sourds, puis que les participants feraient qu'ils interprètent des chansons en se lançant dans les escaliers. Puis si les juges reconnaissent la chanson, ils se retournent de bord, tu sais. Puis tout ça, ça serait animé par Claire Lamarche. Fait que là, t'arrêtes j'espère que t'as pogné, c'est m'a dit assez ça. Thank you. Puis c'est ça, là, t'arrêtes comme la participante, il ferait comme « Bonjour, moi je m'appelle Cynthia, je viens de Grenville, puis ce soir je vais vous interpréter « My Heart Will Go On » de Céline Dion sur ses 42 marches. Merci, nice pitch en bas. » Puis, pour changer de sujet... Je comprends pas la mode des pantalons avec des trous. Il y en a, je sais pas si vous avez vu ça, il y en a qui portent ça, des pantalons nœuds avec des trous dedans. Ils l'ont acheté nœud comme ça. Qu'est-ce que moi, je me suis dit, depuis quand c'est à la mode de ressembler à un sans-abri? Pour vrai, je comprends pas ça. Tu sais, je sais que les modes reviennent souvent, mais Chris, l'époque après-guerre, tabarnak, je savais pas que c'était pour revenir ça. J'ai vu des photos de la Syrie, là, finalement... Ils sont pas si pauvres qu'on pensait, là, tabarnak, sont très fashion. OK, j'aurais dû arrêter à l'affaire des sourds, OK, c'est correct. Hey, c'est tout ce que j'avais, fait que merci beaucoup tout le monde, puis passez une excellente soirée. Jérémy Alain, mesdames et messieurs. Capitaine Québec, une blague. Oh mon Dieu, en ah ouais, une blague, c'est une fille. J'en connais pas pantoute. Bon, je suis pas bien bon là-dedans. Pantoute. Excuse-moi. Là. Ah ben non, mais c'est correct. Ça en est déjà presque une. Les jeudis douteux. Chaque jeudi à l'Atomique Café. 3606 rue Ontario Est. Chaque semaine. Un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les jeudis douteux à l'Atomique Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paye parce que c'est gratis. Moitié déguisé, une moitié... moitié dénudé, une moitié tout en dédadi day, le 3D daddy day, daddy day, y'a un arc-en-ciel 3D, daddy day, le 3D arrivé, daddy day, je suis un daddy day. C'est mon bout préféré quand il dit je suis un daddy day. Ça l'aide pas beaucoup la conceptualisation de ce qui est en train de se passer. Bruno Corbin, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À part le début avec les boys band français, là. Calvado. Donc, douteux.org, on est un organisme but non lucratif. Notre but, c'est de ramener le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle. Et notre arme préférée est la variété. Ce soir, il n'y aura pas d'encamp. Il y a beaucoup de gens qui sont là, des centaines de personnes, qui n'attendent que le début du long métrage qui s'en vient. On est open source à douteux.org, ce qui veut dire que on a le fichier du long métrage, on a payé pour acheter le DVD, $40 US qu'on a envoyé par la poste et qu'on a reçu à, par la poste. À, par la poste, on a reçu un DVD. Comme en 2017. Et le fichier qu'on a. Je vous dirais que présentement, c'est la seule affaire que je veux pas donner à n'importe qui. Parce qu'on veut que Neil Breen fasse d'autres films. On a payé pour le long métrage. Je pense que c'est une bonne manière de l'encourager. On va le découvrir avec vous. Je n'ai jamais vu le film. J'ai checké quelques bouts pour m'assurer que tout était pour bien aller. Et j'ai vu les pires green screen de toute ma vie. Pis pas mauvais parce que le keying était pas cool. Mauvais parce que, voyons donc, tabarnak, les proportions, tu sais ça. Tu sais, si moi je suis en train de parler à Bruno pis que la caméra est là pis qu'on met un green screen, il faut qu'il change des affaires pour qu'on se ramasse un à côté de l'autre. Pas que. Je veux pas aller trop loin. Donc, douteux, on utilise la variété comme arme principale et ce soir, on va découvrir un long métrage d'un créateur de génie incompris. C'est le gars qui incarne le mieux depuis Gilles Langouraud. L'idée que j'ai quelque chose à dire, je crie dans aucune cage puis personne m'entend, tu sais. C'est vraiment Neil Breen. Il se passe quelque chose avec ce gars-là. On a l'impression qu'il saigne. Ernest Hemingway disait, pas de joke, c'est très facile l'écriture. Je m'assieds en avant de ma machine et je saigne. Et Neil Breen sait ce qu'il fait. C'est juste que la planète s'en tabarnak. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'il y a encore du jus pour nous en faire un autre. Et c'est le justificatif derrière le fait qu'on vous donnera pas le fichier du film qui joue à soir. D'habitude, je vous le donne avec plaisir. Là, si t'envoies 20$ à la fondation Neil Breen pour le gars qui a vraiment une crise de weird d'habitude... En tout cas, on fait les longs métrages qu'on peut. Hostie. Le premier Double Down, là, -7. Mais tu vois, c'est un des meilleurs premiers films de la vie. Tu vois, il établissait ses codes. Le deuxième, I am here, 4 petits points, now, majuscule, point d'exclamation. Tu vois que c'est important, les métaphores. C'est très drôle, la phrase que je viens de dire. Le troisième, Fateful Findings. Tu vois que c'est important d'avoir des ordinateurs portables brisés chez tes amis. Et là, on va... Je l'ai jamais vu. Je suis vraiment heureux. Il y a des projectiles. Je pense qu'un bon Neil Breen, il faut que ça s'écoute avec des projectiles. On a de la bière. Valérie, ça se peut que je t'appelle chose. C'est le fun, on s'aime. On va écouter... Neil Breen. Et c'est beaucoup grâce à Jonathan Simon. Merci. On va écouter Pass Through de Neil Breen. Et juste avant de lâcher le micro, dans quelques instants, que j'ai hâte que je ferme ma gueule pour qu'on le commence, c'est l'histoire d'une intelligence artificielle qui vient d'un futur et qui veut essayer de convaincre les gens qu'il faudrait qu'on change nos pas être Neil Breen. Ça dure 1h30. J'ai hâte. On est là lundi prochain, puis nos invités à 70%, ça va être sexy légal. La dernière affaire que je veux qu'il se passe pendant que j'ai un micro, c'est merci à Chris Vincent Pic. T'es un gars généreux et c'est un honneur de t'avoir reçu avec nous ce soir. Merci tout le monde d'être là chaque lundi. On découvre un long métrage. Je pense que c'est la première fois que je fais ça. Non, c'est pas vrai. Deadly Prey 2. Le deuxième Deadly Prey, on l'avait découvert avec tout le monde ensemble. Quand même, crise de traitement, hein? Métaphore du 17 futur! Mais ta part du futur! Mais ta part du futur, c'est ça qu'il y a les lignes d'astronomie! Le futur, le universe! Le futur, le futur! On comprend! Métaphore! Our universe! Where is it? When is it? And will I be able to make it? Patrol doesn't know where we're at. Here's your pay. Hey, it's me. Have you written any songs lately? No. I've been working on a couple new songs, and I'm really proud of them. Yeah, I've written like two or three. Yeah, I feel good about them. Yeah, you should come over and listen to them next time. Wait for it. Wait. Why are you talking to us like this? Keep moving this! Come on! Hurry! What is it? I say hurry! Move it! Keep going! Keep moving! Move, move, move, move, move! Why are we getting in this tunnel? Shut up! Keep moving! C'est un tuyau en minorité land qui n'est with a lot of false alarms. Well, I just want to thank you for being patient with me, since I know you like space travel just like me. Come on, move your ass! Get going! Come on, go, go, go! Get over here! You, guys, over there! Stop! How many months pregnant are you? Seven? Oh, weird! Politicians. This is for the stockbrokers. Pimps. Bankers. The CEO. The lawyers. International bankers. The resistance. You two are of no value to me on the streets. I'm all you've got in the world. Why the shooter? Because I have absolutely no value for you two on the streets. Get ready. We need to get the hell out of here. Okay, I'm ready. I want you, you two. Let's get out of here. Get in there! Get in there! Shut the fuck up! Watch this! Get in there! What's going on? Your mother is my sister. She was murdered. I swear to God, All right, let's go. Get the truck. Get the truck. Get the truck. Move it. Move it. Move. Quit messing around out here. I don't have all day. Get up there. Go. Go. Go. Go. What are you doing? C'est parti de l'histoire que tout le monde regarde ça. Moi, je pense que c'est une meilleure valeur.